J'ai l'impression de me retrouver dans le film La Chèvre. À la fin de cette chanson-là, tu vois. Il y a un peu ça avec Pierre Richard et... C'est pas super moderne. Je ne suis pas sûre que ce soit un compliment pour Britney Spears. Ah non, mais c'est juste la musique. C'est espèce de... Regardez l'occasion de la chef si vous ne l'avez pas en mémoire. Il y a peut-être de ça, ouais. 6h23, bonjour tout le monde. Le warm-up est terminé pour ce matin. Nous allons pouvoir maintenant démarrer l'émission en direct, comme chaque matin, avec une particularité qui ne changera rien à votre vie, mais qui change beaucoup à la mienne. J'ai une oreille bouchée. Et quand on fait de la radio, on a un casque. Et quand on a un casque et qu'on a une oreille bouchée, il y a un moment, c'est possible que je parle un peu fort comme ça, hein. Tu parles toujours très fort. Ouais, mais là, je pourrais parler encore plus fort. C'est bien possible également. Mais enfin, bref. Julia, passe un bon week-end. J'ai passé un excellent week-end. Eh bien, tant mieux. Moi, sous la pluie avec un temps dégueulasse. 10 degrés. Voilà, mais c'était magnifique. Mais j'ai une bonne nouvelle, les températures vont légèrement remonter. Mais bien remonter, parce que déjà cette nuit, si tu veux, hier encore, toute la journée, il a fait 9 degrés. Oui, et déjà là, ce matin, quand je suis parti à 5h, il faisait 17 ce matin. J'étais sur le cul, je me suis dit merde, il fait super chaud. Ah si, bah, dans la voiture c'est marqué. 17... Ouais, bah, je crois que ta voiture déconne parce que 17 degrés ce matin, ça, franchement, ça. Ah bah, je te jure qu'il faisait 17. Hein. Dites-nous hein, si vous êtes déjà sur Bruxelles en l'occurrence, là que j'étais, quelle température est indiquée dans votre voiture là, 30-44, vous le dites. Top, Fabien, passe un bon week-end, top, excellent, magnifique. Horrible, j'ai passé un week-end horrible. Eh bah écoute, ouais, j'ai passé mon week-end au lit en fait. Ah bah mais très bien, c'est pas. Les yeux rouges comme ça de la maladie. Non, mais c'est pas ce qui te dérange d'habitude de passer le week-end au lit. Non, mais là, ouais, là, parce que si tu veux, d'habitude, je préfère passer le week-end avec des filles, des trucs. Là, j'ai passé avec mes microbes, c'était très sympa. Je peux se remarquer si avec plusieurs, c'est très sympa. Je peux se remarquer avec des filles, des trucs. Oui, parce qu'elles sont gonflables, les miennes. J'en reviens. Ah voilà, on commence très bien le lundi. Voilà, en tout cas, je l'ai signalé en exclusivité sur le Facebook, sur la page officielle de l'émission, c'est-à-dire Mickaël officiel sur Facebook, que nous avons déglingué, donc l'équipe des Rouges a déglingué l'équipe du soir qui était l'équipe des Verts. Bravo. Au paintball, à savoir que j'étais seul au monde de l'équipe, il faut le savoir parce que Toff étant malade, pas là. Julie, je l'ai pas prévenue 6 ans à l'avance, donc elle n'a pas pu venir. Et ah ouais, donc ça, du coup. Parce que t'avais pas rempli le formulaire P4 pour qu'elle puisse venir, hein, ça c'est normal. Et donc du coup, j'étais seul. Heureusement que les auditeurs étaient avec moi et on a déglingué l'équipe de Vince le soir. Et ça fait plaisir. Mais j'aurais bien voulu être là pour Mais tu sais, pendant ce temps-là, moi je déglinguais les microbes. Ouais, c'est vrai. Mais c'est juste qu'on a les meilleurs auditeurs, c'est tout. Ouais, voilà. Ceux qui se lèvent le matin tôt sont bien meilleurs que ceux qui se couchent tard. C'est vrai. Et pour l'information de Julie en l'occurrence, donc ça lui étonnerait, ça l'étonnerait. 16 degrés près de Liège, 14 degrés à Mons, 16,8 à Wezembeek-Oppem à 6h du mat. Tout ça n'est pas 17 degrés. 16,5 à 5h15 sur Liège. Sûr, 17, ouais. Mais alors il n'a pas mis la ville, c'est dommage. Oui, 17 mais... à Barcelone, oui, effectivement. Non, pas à Barcelone, attends un peu là. Bon, dites-nous quelle température il fait chez vous là pour un petit peu se rendre compte de la météo de ce matin là. Moi je pense que si je me mets un thermomètre, je dois être au moins à 40. Mais non. Bon, 30-44 par SMS et puis bienvenue tout le monde ce matin. On paiera vos factures comme chaque matin d'ailleurs. Hein, si vous voulez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant, ce sera dans une demi-heure. 63-22 par SMS, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Vous avez été quelques-uns à vous inscrire ce week-end, et bien on tirera au sort parmi ceux-là éventuellement aussi, parmi surtout aussi ceux qui vont s'inscrire ce matin. Nous aurons la ligne anti-relou avec les messages, les meilleurs messages qui ont été laissés ce week-end, et Dieu sait qu'on a écouté quelques-uns avec Julie Rantaine, et il y a du lourd. Ah oui, non mais là ça va être beau ce matin. Oui, il y a du très très ça lourd. Ça fait plaisir. Très très lourd, et puis nous aurons aussi des places à vous filer pour la Smart Cup. C'est la Smart Cup finale, hein. C'est sur le plus beau circuit du monde, autant le dire, c'est à Spa-Francorchamps. C'est 14 et 15 octobre avec Mademoiselle Luna qui sera là aussi d'ailleurs pour mixer entre 11 et 15 heures samedi. Mais enfin ça c'est un détail, je vous en reparlerai bien sûr. Et donc si vous voulez choper vos invites, eh bien il suffit d'écouter l'émission jusqu'à 9h30, et à un moment je vous demanderai de vous inscrire. On fera un petit tirage au sort et on vous filera vos places pour la Smart Cup. Et puis comme d'habitude cette semaine, alors attention, la semaine prochaine il y a du très lourd, du très très lourd, mais je vous en dis pas plus. Donc cette semaine, on fait gagner Big Ali. Non, pas du tout. On a toujours les écrans plats à vous filer comme depuis maintenant le début de l'émission, hein. On en a tous les matins à vous filer, hein, des écrans plats. Écran plat à gagner ce matin, ou alors pack Nintendo Wii à gagner aussi avec la console, les jeux et les manettes. Attention, la petite devinette qui colle ce matin avant de passer aux infos. Petite devinette, écoutez bien, attention mesdames et messieurs. C'est parti, écoutez bien. Alors je l'ai perdu. Mais si je l'avais, mais je l'ai plus. Ça c'est vraiment dommage ça. Je l'avais, je l'ai plus. Ah ouais, ah, ça c'est vraiment con ça. Hein. J'ai entendu souvent ça. Ah ouais, là c'est. Oui, donc il faut qu'on meuble, j'imagine. Bah non, mais je l'ai plus. Le temps que tu trouves. Bah, non, que tu en trouves une autre, par exemple. Bah non, mais attends, mais je l'avais là. Oui, enfin, ça, on a compris. Tu l'avais, tu l'as plus, tu l'as il perdu. Il l'avait, il l'a plus. Bah oui, bah. Il l'a plus. Bon, bah je vais en improviser une alors, tant pis. Hein. Je lui vais râler, mais bon. Quel animal peut changer de sexe en une seconde? Pourquoi je vais râler? Bah non, bah. Parce que t'as pas la réponse encore. Bon, déjà, ouais. Donc, quel animal peut changer de sexe en une seconde? La bonne réponse, 63-22, écran plat gagné ou le pack Nintendo Wii. Dans un instant, c'est l'info avec Julie. Et on écoutera également Deep Side DJs. Ah, 17 degrés, hein, dans... Quand elle aura une voiture, c'est Youssef de Haas. 17,4 à Halle, 19 du côté de Leuze, okay, en Hainaut. Je m'incline. 18 degrés à Jeudogne, 17 degrés sur la E411 à Wavre. Oh, je m'incline. Et voilà. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Il est 6h30 sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous arrivez. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Dans un instant, c'est l'info avec Julie. Et alors, je vais répéter la petite devinette qui colle. J'ai retrouvé celle que je devais faire, mais je la ferai tout à l'heure du coup. Hein. Quel animal peut changer de sexe en une seconde? Quand on dit changer de sexe, bien sûr, c'est que... Il y a un ça gratouille, ça chatouille. Voilà, c'est ça. Il y a un jeu également en France, un jeu à gratter qui existe et qui a ce nom-là. Gratouille, ça chatouille, ça peut faire gagner de l'argent. Et ça peut faire gagner de l'argent, mais en France, évidemment, avec un, c'est un petit jeu à gratter comme le Subito ici en Belgique, mais là, c'est, ça s'appelle autrement. Voilà. Quel si vous avez la bonne réponse. Pour un jeu. De quoi? Quel drôle de nom. Bah ouais, jeu, t'as vu. Hein. 63-22, c'est un euro le message. Il y a des, tout simplement, hein, des écrans plats à gagner comme chaque matin sur Fun Radio, ou alors les packs Nintendo. Oui, bonne chance. 6h30, les mauvaises nouvelles de, du week-end avec Julie. Salut à tous. L'État belge reprend 100% de Dexia Belgique pour 4 milliards d'euros. L'offre de rachat du gouvernement belge a été approuvée par le conseil d'administration de Dexia au terme de 12 heures de réunion. L'État belge sera le seul actionnaire. Dans un second temps, les régions disposeraient de la possibilité de monter dans le capital de la banque. Mais la Belgique peut-elle se permettre une telle dépense? Pour le ministre des Finances, Didier Reynders, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Selon lui, c'est 1% de notre produit intérieur brut. Donc nous augmentons cette dette, notre dette d'un point seulement, mais en parallèle, cela apporterait des garanties qui seraient rémunérées. Toujours au chapitre économique, le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel ont promis une réponse à la crise de la dette dans la zone euro avant fin octobre, soulignant leur unité notamment sur le soutien des banques. Quelques 1000 Français résidant en Belgique ont participé hier à la primaire socialiste, l'élection qui désigne le candidat du PS à la présidentielle de 2012 en France. Et c'est François Hollande qui arrive en tête avec 39% des voix, suivi de près par Martine Aubry avec 31%. Un second tour dimanche prochain pour les départager est donc nécessaire. Et puis la surprise aussi, c'est la défaite de Ségolène Royal qui arrive seulement quatrième avec 7%. Prison d'Andenne, un des évadés est toujours en cavale. 4 détenus de la prison d'Andenne sont parvenus à s'évader hier en fin de matinée. Pour sortir de l'enceinte, les prisonniers ont pris 2 gardiennes en otage en utilisant des lames de rasoir et des couteaux en guise d'armes. L'une d'entre elles a été blessée, 3 détenus ont été repris et le quatrième est donc toujours en cavale. Week-end meurtrier sur nos routes. Au moins 8 personnes sont décédées dans des accidents de la route. Hier matin, un homme de 24 ans est décédé à Arstelaar. À Neuchâteau, 2 jeunes d'une vingtaine d'années sont morts sur le coup après que leur véhicule dans lequel ils circulaient a également achevé sa course contre un arbre. Plusieurs personnes ont par ailleurs été grièvement blessées. Enfin, sport, football, match décisif demain pour nos Diables Rouges. Ils affrontent l'Allemagne pour accéder au barrage en Europa League. Et Eden Hazard, touché à la cheville vendredi contre le Kazakhstan, reste incertain pour le match de l'année. En tennis, c'est l'Italien Andrea Seppi, 51e mondial, qui remporte l'Etias Trophy à Mons. Il a battu Julien Beneteau. Et puis enfin, en Formule 1, si vous ne le saviez pas encore, c'est Sébastien Vettel qui est champion du monde à l'issue du Grand Prix du Japon, disputé donc hier à Suzuka. Il a terminé 3e de cette 15e épreuve du Mondial 2011. 6h33 sur Fun Radio, la météo maintenant avec 17 degrés sur Bruxelles notamment. Hein. Oui, et eh bien oui, matinée qui va rester quand même grise, hein. Pas mal de nuages, même un petit crachin par-ci par-là, la couverture. C'est horrible nuage. Ce nom, le crachin. Crachin. Il y a du crachin aujourd'hui. Ça porte très bien son nom. Ah ouais, c'est ça. Oui. La couverture nuageuse devrait quelque peu se morceler à partir de l'ouest. Bon, en clair, à partir du littoral, il va faire. Non, se morceler, donc il y aura un peu moins de nuages, ça va un peu moins être bouché. Sous un vent soutenu, par contre, les maxima se hisseront effectivement entre 15 et 20 degrés. Demain, les nuages reviennent en force. Très bien. Ah. Bon, et sinon, bonne nouvelle également. Content, hein. Chez Isa aussi, ce matin à 6h27, il faisait 24 degrés dans sa cuisine. Mais nous sommes ravis de la prendre. Merci Isa. Comme quoi, elle est très bien chauffée. Et bah, trop bien. 15 degrés également à Mété. Bonne journée à toute l'équipe, c'est Christophe. Bah, bonne journée à toi et bonne journée à vous également. Fun Radio. On va donc bien sûr passer à 6h34 maintenant à l'info en plus, Julie. Alors, on sait que chez nous, la SNCB est un petit peu dans le rouge, hein, un petit peu beaucoup. Elle perd beaucoup d'économies, etc. Elle cherche des solutions, notamment augmenter les billets de train. Eh bien, les chemins de fer néerlandais ont une autre idée pour faire eux aussi des économies. Eh bien, ils ne veulent plus installer de WC dans les trains. Ils ont une autre solution. Ah, quelle est-elle? C'est surtout dans les trains qui effectuent des liaisons courtes, hein, c'est pas des longues distances. Et bien maintenant, c'est le sac à pipi. Ouais. Oh, mais c'est glamour, ça dit. Pardon, excusez-moi, je reviens. C'est très sympa, ouais. Alors, il serait placé évidemment hors de la vue des passagers. Et donc forcément, ce n'est donc plus une toilette où on peut comme s'asseoir comme tout le monde. Ce sont des sachets en forme d'entonnoir qui contiennent de la poudre absorbante. Après l'utilisation du sac, le sac est fermé et jeté à la poubelle. Ouais. Et donc voilà. C'est Depardieu qui va kiffer. Et oui, effectivement, c'est un système que Depardieu pourrait fortement apprécier. C'est original, oui, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut l'aider, à mon avis. Hein. Bah oui. Bon, bah très bien, mon plan, ça. À choisir, franchement, on préfère quoi? Augmenter le billet de train ou avoir un sac à pipi? Je fais mon choix. Hein. Bon, de toute façon, je vais jamais pisser dans les trains, donc comme ça. Ah bah, Depardieu, il a fait son choix, il a pissé sur l'hôtel. Oui, c'est vrai. Dans un avion, toi. Oui, c'est pas voilà, mais c'est pareil, c'est un transport. 6h35 sur Fun Radio, bon réveil. On parlera dans un instant, on va parler aussi des problèmes sur la route. Si dès le départ, dès maintenant, là, vous êtes déjà dans un bouchon, éventuellement, vous êtes témoin d'un accident ou alors d'un radar planqué, on ne sait jamais, des fois que la police se lève tôt, bah, vous nous envoyez un petit message au 3044, c'est 50 centimes le message, ou alors vous nous faites un petit mail, hein, mikl@funradio.be. On aura également la ligne anti-relou et je vous rappelle la petite devinette qui colle pour repartir avec un écran plat. Quel animal peut changer de sexe en une seconde? C'est un peu comme un pou, il passe de crâne en crâne, sauf que là, c'est le même animal qui passe de sexe en sexe. Non, c'est pas le même. Enfin, c'est pas le même. Je veux dire, c'est le même style, on va dire. Il bouge beaucoup, il a la bougeotte. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322, quel animal peut changer de sexe en une seconde? Un SMS au 6322, c'est 1€ le message. Et peut-être que dans quelques instants, on vous appellera en direct sur Fun Radio pour vous offrir votre écran plat, histoire de bien commencer la journée. Ça peut être très bon plan, ça. Et en attendant, sur Fun Radio à 6h36, on va écouter le son de Deep Side DJs maintenant. C'est Never Be Alone sur Fun Radio. Bon réveil! Alors on proposait l'hippocampe pour la petite devinette qui colle. Mais c'est vrai que l'hippocampe... Oui mais non, c'est pas la bonne réponse. Hein. Je vous la répète encore un petit coup là, juste pour le fun. Quel animal peut changer de sexe en une seconde? L'hippocampe n'étant pas la bonne réponse, l'escargot non plus n'est pas la bonne réponse. Un moustique signé Costas, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Le ver de terre, ce n'est pas ça et non plus d'ailleurs non plus. 6322 si vous avez la bonne réponse. Donc comme je disais, écran plat à gagner ou alors le pack, les packs Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. On va parler de Dexter maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec Dexter? Oui, eh bien, ça va te faire mal au cœur, Michael. Dexter pourrait s'arrêter. C'est au cœur, ça va. En merde, pourquoi? Eh bien, ce sont les revendications salariales de Michael qui pourraient mettre un terme à la série. Michael, c'est Dexter. Hein. Exactement. C'est son vrai prénom, quoi. C'est normal, c'est un prénom de star. Si tu... C'est un, oui. N'importe quoi. Donc, ça pourrait, ben voilà, il pourrait y avoir le même avenir donc, que la série Les Simpsons. Vous savez, les Simpsons aussi sont arrêtés. Vous savez pourquoi la série s'est arrêtée? Cause de l'oseille. Oui, et pour de qui? Ah non, je sais pas. Ce sont les voix, en fait, des Simpsons. Ah oui, bah oui, forcément. Qui étaient payées une somme, mais un truc de dingue. Genre, je crois que c'était 8 millions d'euros par semaine. Enfin, un truc de vraiment de fou. Ouais, en même temps, à côté de ça, c'est eux qui font le succès de la série. Hein. Oui, d'accord. Oui, bah, il y a quand même le dessin à la base, sinon. Okay, oui, non, mais bien sûr qu'il y a le dessin. Mais c'est surtout que c'est le problème des voix américaines. Parce que les voix françaises que vous connaissez toutes et tous, eux, ils n'ont rien demandé. Donc, il faut se retrouver sur le carreau. Alors qu'en fait, ils n'ont rien demandé de plus, mon fast-wet. Enfin, bon. Voilà, les producteurs de Simpsons ont voulu diminuer quand même 8 millions d'euros par semaine, genre divisé par deux, ça va encore, quoi. Ouais, mais bon, c'est. Et les voix ont dit non, donc la série s'est arrêtée. Donc, avec Dexter, ça pourrait être la même chose. Il existe quand même 24 millions de dollars par saison, donc le Michael. Ah oui, quand même. Le personnage principal. Et la production a quand même le couteau sous la gorge et l'acteur, malheureusement, refuse de réduire son salaire. Ouais, donc, mais combien gagne la production tu vois, c'est ça aussi. Oui, il faut voir, parce que si la production a augmenté ses bénéfices par deux et que l'acteur il est toujours pareil, après il peut gueuler aussi, tu vois, faut voir. Hein. Ah, bah écoute, je n'ai pas ces infos-là, mais journaliste d'investigation. On va se calmer ici. Je ne crois pas qu'avec la crise, la production a réussi à faire beaucoup plus de bénéfices, ça je ne pense pas. Non, mais en tout cas, si jamais ça s'arrête, j'espère qu'ils vont au moins avoir le minimum de respect pour les fans de te faire au moins une fin de saison, enfin, tu vois, une fin de série, quoi. Ouais. Pas juste terminer comme ça en disant bon, bah tant pis, on va vous faire foutre. Hein. Ah, non, non, ça ça je pense qu'ils vont juste. Ça arrive plein de fois. Ils pourraient juste ne pas re-signer pour une saison future, c'est tout. Ouais, qu'ils trouvent une fin, quoi, à la limite. Ou ils vont faire comme mon oncle Charlie, ils vont prendre un autre. Ah super, bah non. Mais ce non. serait plus vraiment Dexter. Ah ouais, c'est ça, non, il faut Charlie, prendre un autre. Pourtant ça cartonne deux fois plus qu'avant. Hein. Ouais, mais peut-être. Mais... Charlie, il est entouré de personnages aussi. C'est tu ça. Vois, Dexter là, oui. Bah lui, du sang, des armes, du sang. Des poubelles. Truc bien quoi. Bon, bah pour les fans de Dexter, tant pis, hein, on va voir. Bon, soit dit, rien n'est fait encore, mais enfin, non, il risque quand même d'y avoir des problèmes. Ouais. Bon. Faut espérer qu'il veut bien passer de 24 millions à 20 millions d'euros. Oh, enfin, de dollars. Bien sûr. Mais ça va, ouais. Bon, 6h42 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est lundi aujourd'hui. Eh oui, c'est lundi. Bah oui, c'est lundi. Ah oui, c'est lundi. C'est le pire jour de la semaine d'après une enquête que Julie avait faite, enfin avait lu en tout cas. Le lundi, le jour le plus détesté des gens. C'est normal en même temps. Hein. C'est le 10 octobre aujourd'hui. Et nous, on va revenir dans un instant avec la ligne anti-relou pour égayer un petit peu tout ça. Et avec les problèmes sur les routes pour moins égayer tout ça. Puis il y aura aussi le son de DJ Fresh. Alors ça, par contre, ça va vous sortir du lit, bombe de feignasse. C'est le son que Julie écoute le matin au réveil. Le matin, midi et soir. Là, bah tant mieux. Michael, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Michael à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Michael, à la radio. Fun Radio. Il est 6h46 sur Fun Radio. On fait un tour maintenant du côté du trafic. Que se passe-t-il sur les routes, Julie ? Eh bien, accident dans l'échangeur E40 going vers Bruxelles, donc vers le ring intérieur extérieur de Bruxelles, à hauteur de Grand Bigard. Une bande est obstruée, c'est deux véhicules qui sont en cause. Et puis, accident sur le ring d'Anvers en direction des Pays-Bas, à hauteur du tunnel Theismann. Le passage est difficile et la circulation est ralentie. Très bien. Donc, si vous êtes témoin d'un problème sur les routes également, venez nous en parler, aidez les autres auditeurs de Fun. 30-44 par SMS ou alors sur mon mail mikael@funradio.be. Nous allons maintenant passer à la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Allez, la ligne anti-relou ce matin, c'est comme chaque matin sur Fun Radio, à 7h-15, 8h-15 et 9h-15. Alors évidemment, comme chaque week-end, le week-end a été dur en termes de relou. Le week-end a été très chargé en termes de relou. Et vous avez été nombreux à appeler sans le savoir sur cette ligne anti-relou grâce à vous les filles ou les mecs, ou en tout cas grâce aux auditeurs de Fun qui ont réussi à donner ce numéro, cette ligne anti-relou, le 0 473 86 00 13. Le concept est relativement simple, il suffit simplement de retenir ce numéro et de le donner quand vous croisez un relou, ou plutôt qu'un relou vous croise et qui vous prend la tête. En fait, tout simplement, vous lui donnez ce numéro de téléphone là, il sera content, il pensera avoir votre numéro de téléphone, aura fait la meilleure affaire du siècle, et bah arrivé au soir, quand il va commencer à tenter de vous appeler, bah, il va tomber sur notre ligne, sur notre numéro, et notre répondeur était bien chargé ce week-end. Écoutez le premier message. Salut mon ange, j'adore ta voix. En fait, j'ai eu ton numéro via toi-même. Donc j'essaie de joindre déjà depuis un petit temps. Écris-moi un mail pour m'expliquer la situation. Donc si t'es toujours d'accord, si je dois t'appeler, si je dois pas t'appeler. Voilà, qu'on passe un petit moment ensemble si tu veux. Allez, je t'embrasse. Je crois qu'elle ne veut pas. Non. J'ai eu ton numéro par toi-même. Via toi-même. Oui, via toi-même, oui, c'est ça. Ça, ouais. C'est une belle entrée en matière. Bah, c'est un peu original, mais c'est quand même bien Blair, hein, faut quand même le dire. Ah c'est... oui, ça c'est certain. Voilà. Ouais. Bon, allez, deuxième message. Quoi ? Ouais, tu veux que je dise quoi ? Je sais pas. Ah, ça c'est bête. Prépare-toi avant d'enclencher, oui. Tu vois, de composer le numéro, parce que sinon après c'est trop tard. Mais bien sûr. Tu veux que je dise quoi ? Bah, je sais pas, qu'est-ce que je vais dire ? Bah, je sais pas. Bah, je raccroche, mon Dieu, j'ai peur. Bon, allez, dernier message pour ce soir-ci. Salut Monique, ben voilà, c'est moi encore. Coucou, laissez-moi un message, c'est désagréable à mort. Donc, branche son téléphone. Comme je suis sur la mur, call me. Donc, je te répondrai, ou si je réponds pas au call, laisse-moi un SMS. Et je te répondrai assez clairement. Je réponds pas au call. Allez, bye bye. Attends, le mec, je rêve, voilà. Ou bien directement il insulte la boîte vocale avant, ouais, tout. Dis donc, j'en ai marre de tomber. Coucou, si je suis pas là, c'est pénible au possible. Oui, ok, d'accord. Il y a pas de problème, mon grand. Il y a pas de souci. T'inquiète, on a compris. Bon, ben voilà, c'était la ligne anti-relou de ce matin. On en aura d'autres messages tout à l'heure, évidemment. Dans moins d'une heure sur Fun Radio, restez bien chez nous, évidemment. Et nous allons maintenant écouter le son de DJ Fresh avec Louder. Mais avant ça, petit rappel de la petite devinette qui colle pour repartir avec les écrans plats qu'on file chaque matin sur Fun Radio. Les écrans plats sur Fun. Écoute. écoutez bien la devinette qui colle. Quel animal peut changer de sexe en une seconde? En fait, il a le même concept que le poux. Enfin, le concept, c'est-à-dire qu'il peut aller de sexe en sexe. C'est pas qu'il change de sexe. C'est qu'il va de sexe en sexe. Emeline de Charleroi qui proposait une grenouille. Non, c'est pas ça non plus. Un morbac, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Une puce, c'est Jean-François de Trivière. Ce n'est pas ça non plus. Ça gratouille, ça chatouille. Voilà, exactement. Et il y a un jeu à gratter comme le Subito, par exemple, mais en France, qui s'appelle par le nom de cet animal. Une huître, c'est Monica. Bisous. Non, c'est pas une huître non plus. C'est pas un papillon non plus. Une grenouille, encore une fois, c'est pas ça. Une fournie. Non, ce n'est pas une fournie. Ni une fourmi d'ailleurs, hein, cela dit au passage. Voilà, bonne réponse au 63-22. Bonne chance. Et DJ Fresh, maintenant. Ça va vous sortir du lit, ça. Ceux qui sont là, le réveil sonne à 6h50. Allez, dehors! Tout le monde, debout là-dedans, 6h54 et DJ Fresh à l'instant, c'était Loader sur Fun Radio. Tous les matins, évidemment, nous sommes en direct avec vous toutes et vous tous, il est 6h54 ce matin. Nous sommes le lundi 10 octobre et nous cherchons toujours la réponse à la devinette qui colle que je vous rappelle de suite. Quel animal peut changer de sexe en une seconde? La réponse n'étant pas un escargot, n'étant pas un moustique, n'étant pas une fourmi, n'étant pas un hippocampe non plus. Qu'est-ce qu'il y a si la réponse n'est pas un escargot, je l'ai déjà dit. Voilà la bonne réponse au 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde. Et nous allons faire chier qui ce matin, Tof? Alors Je sais pas si vous êtes au courant, mais en France il y a un gros scandale en ce moment dans la police. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, bah, j'ai pas entendu. En fait, il y a pas mal, il y a une dizaine de, tu sais, mais de grands flics, genre commissaires, machin et tout, qui ont été arrêtés là ces deux dernières semaines. Parce que en fait, ils rémunéraient leurs informateurs avec les saisies de la police. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ils saisissaient de la drogue et tout, ils en gardaient une partie qu'ils donnaient aux informateurs. D'accord. Et donc là, ça fait un putain de scandale en France. Ouais. Et donc ce matin, je me suis dit que j'allais moi aussi appeler la police pour voir combien ils me payaient mes informations. D'accord, très bien. Bon, on va les appeler directement, on va appeler où alors? Appelons à Liège. Mais on va appeler à Liège immédiatement. Voilà. Allez hop, on va vérifier comment ça se passe au commissariat à Liège. Et c'est parti. Hop là. Et c'est quoi ce bordel encore là? Ah oui, bah oui, forcément, je peux pousser sur un bouton. Ça peut pas marcher comme ça. En même temps, qu'est-ce qu'ils foutent à Liège là? Ils vont décrocher quand? Salut Serge. Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, voilà, écoutez, j'ai vu les informations en France et j'ai vu qu'on pouvait se faire rémunérer quand on avait des informations. Bah, ça dépend, hein, monsieur, tout ça. Oui, mais ça dépend de quoi? Ah bah, donner les informations. Ah bah, attendez, combien vous me les achetez? Monsieur, adressez-vous au bureau quand ce sera ouvert à 8h alors. Bah, attendez monsieur. Non monsieur, je ne vais pas discuter pendant des heures là, monsieur. Bah, attendez monsieur, moi j'appelle, j'ai des informations et vous préférez laisser courir les... On est en Belgique et on n'est pas en France. Alors ici, je ne paye pas vos informations, ou vous me dites ce que vous avez à me dire, ou on en reste là. Ah oui, donc vous préférez laisser courir les criminels? Eh bien voilà, c'est... Au revoir monsieur. C'est honteux. Que fait la police? Ah bah c'est la question qu'on se demande. Mais comme c'est étonnant, ils ne sont pas d'accord. C'est belge, c'est bizarre, quand même. Hein. Je comprends pas, j'avais des informations capitales à lui donner. C'était quoi ton information capitale? Je sais pas encore, mais j'aurais trouvé. Ah oui, c'est ça, t'aurais trouvé, ouais. Ah non, mais je lui fais confiance, moi, je sais qu'il l'aurait trouvé. Oui, il aurait trouvé un truc bien pourri, mais il l'aurait trouvé certainement, ouais. Ah bah bien sûr. Ça tout dépend de combien il était prêt à me les acheter. Ah oui, non, bah évidemment, c'est certain, ça c'est certain. Bon, bah très bien, on remettra le couvert tout à l'heure. Eh ben écoute, avec plaisir. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Bon, tous les... Bah, c'est ça, 6h57 sur Fun Radio. Tous les matins, on est là avec la réponse dans un petit instant à la devinette qui colle. On l'a là, maintenant, là? Non, on ne l'a pas parce que la personne que je viens d'appeler m'a dit d'aller me faire foutre. Bah, très bien. C'est une blague. Non, mais c'est pas grave, on appellera quelqu'un d'autre d'ici 5 minutes alors. Hein. Je te jure, j'ai appelé, ouais, c'est Fun Radio, je parle à ton prénom. Et va te faire foutre. Va te faire foutre. Bon, quel okay. animal peut changer de sexe en une seconde? On proposait un cheval, ce n'est pas ça. Un coyote un non cheval. Plus oui. Un cafard, ce n'est pas ça. Un bonobo, ce n'est pas ça. Un concombre de mer, parfois c'est Manu. Ça c'est pas mal. Un concombre rien de mer. Pour la blague, je lui ferais bien gagner. Non mais je vous ai dit que c'était un jeu également. Un jeu à gratter comme le Subito ici. Mais c'était en France. Ils ne vont pas appeler un concombre de mer. Un nouveau jeu de la française des jeux, le concombre de mer. Non. Un pouce, c'est pas ça. Une puce, c'est pas ça non plus. Voilà, la coccinelle, ce n'est pas la bonne réponse. Allez, 63-22, c'est 1€ le message. Il y a toujours des écrans plats à gagner. On vous en offre un chaque heure, tous les matins sur Fun Radio. Ou alors des packs Nintendo Wii. Allez, bonne chance tout le monde. Et puis restez bien là, puisque dans un instant, l'info va arriver aussi avec July. Et il y aura aussi le son de Lady Gaga. on va aussi vous rembourser vos factures dans un instant sur Fun Radio. 6322, vous débutez le message tout simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle en direct dans moins de 10 minutes. Non, on a quelqu'un maintenant ou pas là, oui, pour on a bah voilà, bah voilà. Il est là. Moi j'attends ça là, j'attends depuis 2 heures. Tu vois, Mickaël, il meuble comme ça. Mais pas du tout, j'attendais péniblement qu'il y ait quelqu'un là. Steve, est-ce que Steve est là? Oui, Steve est là. Salut Steve, comment vas-tu Steve? Oh ben écoute, ma forme un petit peu fatiguée. Ah bah oui, mais ça c'est normal, c'est lundi matin. Moi je suis en pleine forme aujourd'hui, c'est bizarre, ça va pas durer à mon avis cette semaine. Ou alors je sens que là, je vais avoir la crève, tu vois, c'est pas normal que je sois en si grande forme. Ah ouais, c'est bizarre. Bon, je Steve. Je pense que Tov va nous refiler tous ces samedis. Ouais, c'est possible. Si vous voulez, moi je peux partager. Non, non. Hein. Ouvre la fenêtre d'ailleurs, c'est possible. Non, je peux pas. Non, mais attends, moi. Mais c'est pour aérer, t'es fou. Bon, Steve, t'as quel âge, t'es dans quelle ville? 32 ans et Namur. Oh, l'autre il voulait se rajeunir à 13 ans, dis donc. Bon, Namur, 107.5 pour écouter Fun Radio à Namur. Et tu as la réponse et la devinette qui colle. Quel animal peut changer de sexe en une seconde? Le morpion. Et le morpion, bien sûr, c'est une bonne réponse. Bravo à toi, Steve. Eh ben, écoute, écran plat ou pack Nintendo Wii, c'est toi qui vas choisir en antenne, ok? Ben, salut Steve et passe une bonne journée. Oh ben, j'espère qu'elle sera bonne. Hein. Ben, écoute, j'espère pour toi. On te le souhaite. Ben oui, j'espère pour toi. Salut Steve, à bientôt. Bonne journée, ciao. Salut, hein. Allez, bye. 6h59 sur Fun Radio, l'info avant les autres, maintenant avec Julie. Salut à tous, l'État belge reprend 100% de Dexia Belgique pour un montant de 4 milliards d'euros. Je suis ravi d'avoir des parts hein, dans cette société, je suis très content. L'offre de rachat du gouvernement belge a donc été approuvée par le conseil d'administration de Dexia au terme d'une réunion de 12 heures. L'État belge sera le seul actionnaire. Dans un second temps, les régions disposeraient de la possibilité de monter dans le capital de la banque. Mais la Belgique peut-elle se permettre une telle dépense? Pour le ministre des Finances Didier Reynders, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Selon lui, c'est 1% de notre produit intérieur brut. Donc nous augmentons notre dette d'un point, mais en parallèle, cela apporterait des garanties qui seraient rémunérées. Toujours au chapitre économique, le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel ont promis une réponse à la crise de la dette dans la zone euro avant fin octobre, soulignant leur unité notamment sur le soutien aux banques. Quelques 1000 Français résidant en Belgique ont participé hier à la primaire socialiste, l'élection qui désigne le candidat du PS à la présidentielle de 2012 en France. Et c'est François Hollande qui arrive en tête avec 39% des voix, suivi de près par Martine Aubry avec 31%. Un second tour dimanche prochain pour les départager est donc nécessaire. La surprise, c'est Arnaud Montebourg qui arrive en troisième position. Et puis la défaite pour Ségolène Royal qui arrive quatrième avec seulement 7%. Prison d'Andenne, un des évadés toujours en cavale. 4 détenus de la prison d'Andenne sont parvenus à s'évader hier matin. Et pour sortir de l'enceinte, les prisonniers ont pris 2 gardiens en otage en utilisant des lames de rasoir et des couteaux en guise d'armes. L'une d'entre elles avait été blessée. 3 détenus ont été repris hier, mais le quatrième est aujourd'hui toujours en cavale. Week-end meurtrier sur nos routes. Au moins 8 personnes sont décédées dans les accident de la route. Hier matin, un homme de 24 ans est décédé à Arcelard, à Neuchâteau. 2 jeunes d'une vingtaine d'années sont morts sur le coup après que le véhicule dans lequel ils circulaient a achevé sa course contre un arbre. Plusieurs personnes ont par ailleurs été grièvement blessées. Et puis enfin, en sport football, match décisif demain pour nos Diables Rouges. Ils affrontent l'Allemagne pour accéder au barrage en Europa League. Et Eden Hazard, touché à la cheville vendredi contre le Kazakhstan, reste incertain pour le match de l'année. Et puis tennis, c'est l'Italie. Il y a Andrea Seppi, 51e mondial, qui remporte l'Etias Trophy à Mons. Il a battu le français Julien Beneteau. Et puis enfin, Formule 1, si vous ne le saviez pas encore, c'est Sébastien Vettel qui est champion du monde. À l'issue du Grand Prix du Japon, disputé donc hier à Suzuka, il a terminé 3e de cette 15e épreuve du mondial 2011. 7h02 sur Fun Radio, bonne matinée, bon réveil tout le monde, on va passer maintenant à la météo. Matinée bien grise et parfois un petit crush hein, par-ci par-là. Alors du côté donc par l'ouest, normalement les nuages devraient se faire un petit peu plus rares. Sous un vent quand même soutenu, hein, il faut se couvrir, les maxima se hisseront entre 15 et 20 degrés, donc on gagne des degrés, c'est la bonne nouvelle de la journée. Et demain, les nuages reviennent en force. Eh ben c'est une bonne nouvelle. Dans un instant, nous allons écouter le son de Lady Gaga avec You and I, et puis on va aussi vous rembourser vos factures, je vous en parle dans un instant. Fun Radio. Fun Radio. 7h03 sur Fun Radio, on va parler de l'info en plus dans un instant et je vous rappelle également que nous allons vous rembourser vos factures. C'est dans un instant. 63-22 en débutant le message par facture, comme par exemple 62,20€ restaurant pour un anniversaire de mariage, 130€ pour un PV, 78,71€ pour Proximus, 120€ pour l'inscription de ma fille au basket, 149€ pour les contributions. Ah bah oui, tu m'étonnes, hein, c'est cher les contributions, surtout quand on achète des banques. 140€ pour un nouveau GSM, 70€ pour des objets pour la nouvelle année scolaire, 119€ pour un Nokia 5230. Bon, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce sera dans 5 minutes que ça va se passer sur Fun Radio. 63,22€ pour les inscriptions. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Alors, quelle est l'info en plus, Julie ? Eh bien, il y a une artiste new-yorkaise qui est enceinte et qui a eu, je précise qu'elle est enceinte parce que c'est forcément la réponse à ma question, qui a eu une drôle d'idée. Quelle est donc cette idée ? Elle a eu une idée, je sais pas moi. Eh bien, elle veut accoucher sur scène devant des spectateurs. Ah mais oui. Ah bah bien sûr, quelle bonne idée. Alors pour elle, c'est une performance artistique. Ah bah oui. Ah bah c'est très artistique. Et quelle performance. Ah oui, bah tiens, dis donc, elle est au top du top là. Elle veut donner naissance à son premier enfant devant un auditoire rempli de curieux. Pour elle, sa performance veut se concentrer sur la beauté de la nature. Mais pourquoi pas, hein. C'est elle, cela, oui. Elle sera donc entourée de sa sage-femme et de son mari. La naissance est prévue dans les 5 prochaines semaines. Et donc, les visiteurs qui veulent visiter donc son auditoire, entre guillemets, eh bien, ils pourront assister à la naissance de son premier enfant. Elle va enfanter en public. Non, mais why not, hein, après Oui, bah, si les gens qui y vont, ils sont au courant qu'ils vont avoir plein de sang, plein de trucs dégueulasses qui vont couler de partout, why not? Oui, pourquoi pas. Même pour c'est quelque chose de beau, hein, montrer la vie. Ah ouais, bon, on va montrer la vie. Ouais. Enfin, je préfère voir un nouveau-né né qu'un nouveau-né pas encore né. Hein. Tu vois, qui sort, c'est tout gluant comme ça. Ah oui, là. D'accord, ok, oui. Bon, qui est déjà lavé. Ouais, ouais, tu sais, qui est déjà propre. C'est comme dans les films, il sort de la maman, il est déjà nickel. Oui. Tu vois, ça c'est bien, tu vois, comme ça je suis pour là, mais sinon bof moyen quoi. Mais en tout cas pour ceux qui veulent se faire une réelle idée, filez à New York et vous pourrez assister à l'accouchement de cet artiste new-yorkais. C'est ça, c'est ça. Et après les monologues du vagin, on aura droit à l'écartèlement du vagin. Non, ça va aller, merci. Voilà, Bon, et pour info, ça c'est apparemment peut-être une erreur de Julie, mais enfin c'est pas grave, c'est du foot. Les Diables jouent demain pour les barrages de l'Euro 2012 et pas pour l'Europa League. Bonne journée. Peut-être que tu as dit Europa League par hasard. Merci à toi en tout cas d'avoir écouté et d'avoir corrigé un peu Julie. Il faut pouvoir parfois la remettre à sa place. Elle sera fouettée pendant la publicité. Mais on met Lady Gaga, mais tu peux la fouetter, ça ira très bien pendant le disque. Lady Gaga, You and I sur Fun, 7h06. Lady Gaga sur Fun Radio, c'était You and I. Bonne matinée, 7h10 sur Fun, comme chaque matin. Nous sommes en direct avec vous toutes et vous tous. On ira encore faire chier du monde tout à l'heure avec Toff, hein, comme chaque matin également. C'est la police qu'on emmerde ce matin. Je n'emmerde personne. Enfin, tu n'emmerdes pas, tu essaies de vendre des informations. J'ai des informations capitales à leur vendre. S'ils les veulent, ils me les payent. Sinon, je les garde pour moi. Exactement. On rappellera encore une fois tout à l'heure. Bien sûr, on a appelé à Liège il y a quelques instants. Ça s'est pas forcément bien passé non plus. Hein. Non, mais bon. C'était très désagréable. Oui, assez, oui. Et dans un instant, nouvelle devinette qui colle, car vous le savez, écran plat à gagner. C'est toutes les heures sur Fun Radio entre 6h et 9h30. Et à 7h10, maintenant, nous allons payer nos factures. Tous les matins. Enfin, vos factures. Fun Radio paye vos factures. Quoique, j'aimerais bien qu'on paye nos factures. Ah, ce serait pas mal. C'est quand même vachement plus sympa. Une matinée spéciale. On paye les factures des animateurs de Fun Radio. Ah ouais. Non, juste nous. Oui. Autant tu autant garder le maximum. Oui, partager. Mais... Non, mais c'est pas la peine. Bon, dans un instant, il y aura Tupac aussi avec California Love. Et nous appelons maintenant quelqu'un qui s'est inscrit au 6322 avec le code facture pour qu'on lui rembourse peut-être sa facture. 60€ pour le contrôle technique de ma voiture, justement. 90,92€ pour Mobistar. Et on va rembourser combien Toff là ? 45€. Alors, depuis jeudi, on a que des gagnants. Trois gagnants jeudi, trois gagnants vendredi. Allô, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Qui paye vos factures le matin ? Oh là là là là là là, c'est Fun Radio. Mais oui, j'ai cru que tu allais dire de la merde. Eh ben bravo. Voilà, on va te rembourser ta facture. T'as vu un peu un premier appel en plus de la semaine et boum là, c'est parti, facture payée, dis donc. Bon plan génial. Ça. C'est une bon bonne plan. Nouvelle, ça. Comment tu t'appelles ? Sandrine. Sandrine, t'es dans quelle ville, Sandrine ? À Bruxelles, à Uccle. Mais tu n'es pas loin de la radio, Sandrine. Pour fêter ça, est-ce que tu peux m'apporter du lait et du miel, s'il te plaît? Ah oui, parce que Toff est malade, faut le savoir. J'ai la gorge, mais je suis en train de. Ouais, du lait, du miel et un peu de whisky, non? Ouais, c'est non, ça. Vraiment. Un peu de Sky dedans, ça peut être pas mal. Bon, dis donc, Sandrine, c'est quoi la facture de 40 et des brouettes là? C'est pour rembourser quoi? Oh, c'est l'assurance professionnelle. Comme je suis instite, il faut se couvrir un petit peu avec les bêtises des petits loulous, donc voilà. Ah, t'es instite, d'accord, ok, oui. Très bien. T'es dans quelle école ? Je travaille à Saint-Gilles. À Saint-Gilles, parce qu'il faudrait qu'on passe le matin, un de ces matins avec l'aube là, pour réveiller un peu tout ça là. Parce que je sens que D'accord, vous êtes un peu okay. en train de dormir là à Saint-Gilles, là, il me semble. moi, il me semble en tout cas. Ça reste à prouver, mais il me semble. Bon, ben Sandrine, en tout cas, bravo à toi. On te rembourse ta facture, il n'y a aucun problème. Tu vas gérer ça avec Toff au standard, ok? Ok, parfait, bonne journée. Salut Sandrine et bonne journée à toi, à bientôt. Et puis les autres, si vous voulez faire comme Sandrine justement, qu'on vous rembourse cash vos factures, 6322 par SMS, vous vous inscrivez, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture, comme là 100 euros pour un PV encore une fois. Bah oui, mais enfin il faut rouler mieux maintenant, si je vous dise moi. 59,90€ pour l'antivirus de mon ordinateur, alors qu'il y en a des gratuits, c'est quand même idiot ça. 145€ pour l'Electrabel, 119€ pour la taxe moto. Bref, on remet le couvert dans moins d'une heure. Et sur Fun Radio, c'est Tupac qu'on écoute maintenant et California Love. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Oh, quelle bonne nouvelle, nous parlerons des ch'tis dans un instant. Ça fait plaisir. On aura l'horoscope aussi avec Doudou. Et puis juste après l'horoscope, je vous balancerai aussi la nouvelle énigme qui colle pour repartir notamment avec un écran plat. Allez hop, c'est l'horoscope maintenant. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, l'horoscope avec Doudou qui a passé un bon week-end. Oh là là, oui, c'était un très bon week-end. Ah, vous l'avez passé à dormir ? Mais pas du tout, pourquoi tu dis ça ? Tu crois que je fais que ça, que dormir moi de la journée ou quoi ? Non, pas du tout. Un petit peu, mais quand même. Mais non, pas du tout, je suis allé à un stage de relaxation. Ah oui, bah, je me disais bien que c'était pas pour une activité physique, hein. Ah ouais, non, il fallait que je me remette de tous ces stress que tu me mets chaque matin pour faire l'horoscope. Moi, j'en peux plus là. Parfait. Bon, vous êtes bien détendu alors. Allez hop, on commence avec les béliers. Oh là, du calme-toi. Vite. Alors, les béliers, ne craignez pas de faire des erreurs. Un ami vous aidera à prendre des décisions car il a un regard clair sur la situation. Oui, là, c'est très difficile ce matin pour mais, tout. Hein. Non, mais le blabla sur les béliers était comme relativement long par rapport à d'habitude, donc il s'est un peu. C'est pour ça, non, mais c'est parce que je pensais que c'était la ligne suivante, mais Non. Alors que regardez, la taureau, le succès éveille toujours l'attention des envieux. Court, tu vois. Voilà. Les Gémeaux. Soyez prudents en volant, hein. Ne relevez pas des challenges sportifs. Les cancers, bah tiens, voilà, c'est comme Julie ça. Oui, votre ton ironique ne vous fait pas que des amis. Ah, mais ça c'est clair, hein. Elle est détestée dans le milieu, faut le savoir. Oh, c'est fou. Mais dis, c'est horrible ce que tu dis. Il n'y a pas que dans le milieu, sur les côtés aussi. N'importe quoi. Bon, les lions. Vous êtes des monstres. Alors, les lions, qu'est-ce qu'il arrive ? Ah oui, oulala, essayez d'oublier le stress quotidien. D'accord. Ouais, les vierges. Poursuivez votre chemin avec détermination. Avec détermination, c'est très bien aussi. Oui. Les balances. Pareil que c'est un mec sympa. Oui. Voilà, allez, super. Ça vole très, très, très haut ce matin. Concentrez-vous plus sur les désirs de votre partenaire. Les scorpions. Une erreur pourrait vous valoir la disgrâce de votre chef, alors faites attention. Les sagittaires. Vous faites du souci pour votre santé, mais c'est exagéré et ça va vous rendre malade. Les capricornes. Les petits revers ne vont pas vous arrêter. Nouveau jeu, nouvelle chance. Les Verseaux. Que ce soit sur le plan professionnel ou financier, tout ce que vous allez commencer est couronné de succès. Très bien, et enfin les poissons pour terminer. Vous surmontez les difficultés avec endurance et énergie. Très bien, merci Doudou, à tout à l'heure. Ah oui, à tout à l'heure. On vous retrouve dans une heure, dans un instant nous parlerons des ch'tis. Et attention, je vais vous balancer maintenant la petite devinette qui colle. C'est celle que je devais dire tout à l'heure il y a près d'une heure, que j'avais perdu en fait, là maintenant mais je l'ai récupéré. Le monde est sauvé, mais tu oui. l'as retrouvé. Écoutez bien, attention, c'est passé par là. Ce n'est pas mais une vanne raciste, que ce soit clair, c'est simplement une vanne. Voilà. Alors, et pour le coup, on ne peut faire qu'avec cette nationalité-là. On est désolé, on ne peut pas faire autrement, vous comprendrez après. Qu'est-ce qui est très long, très dur et qui débouche sur 60 millions de trous du cul ? Ah oui, on n'avait pas le choix. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui est très long, très dur et qui débouche sur 60 millions de trous du cul ? La si vous avez, non, pas du tout. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 maintenant, c'est 1€ le message et surtout vous repartirez peut-être avec avec un écran plat. Et oui, un écran plat à gagner toutes les heures sur Fun Radio. Mais oui, on n'a pas peur, nous. Voilà, 63-22, bonne chance, écran plat ou pack Nintendo Wii. Et on écoute maintenant les Maroon 5 avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger, 7h20. Maroon 5 sur Fun Radio avec Christina Aguilera à l'instant, Moves Like Jagger. Il est 7h23, bon réveil tout le monde. Alors je vais directement vous, avant de parler des ch'tis là, directement me semble que c'est important. Vous répétez la petite énigme de ce matin là. Qu'est-ce qui est très très long, très très dur et qui débouche sur 60 millions de trous du cul? La réponse n'étant pas la Tour Eiffel, hein, parce que c'est pas ça. Le service militaire non plus, les égouts non plus, les intestins, signé Stéphanie, non plus. Les études, ce n'est pas ça non plus. Je vais vous donner un indice, hein. C'est de double nationalité, certes. Le mot qu'on cherche, hein, l'objet, enfin c'est pas un objet, c'est l'endroit, je ne sais pas. Et c'est un endroit qui sert à relier deux pays. C'est oui. Bon ça, je pense pas qu'on puisse donner plus d'infos là. Oui non, c'est très bien. Voilà, ça me paraît pas mal. Ils l'ont démarré d'un côté, ils ont démarré de l'autre côté. Et par miracle, ils se sont retrouvés au même endroit, en plein milieu. Donc voilà, c'est un indice. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est un euro le message. C'est pas comme ça que c'est passé. Je pense que c'était un petit peu calculé. Hein. Ils ont creusé comme ça pour se trouver. Si, au hasard. C'est... Ils ont eu la même idée au même moment. Ils se sont dit, tiens, on va partir vers le nord. Ah bah nous, on va partir vers le sud. Ah bah très bien, ils se sont retrouvés. Le tunnel du Mont Blanc. Salut l'équipe, c'est José de Charleroi. Ça aurait pu être une idée, mais c'est pas ça. Si vous avez la bonne réponse, cela dit, on s'approche. Qu'est-ce qui est très long, très dur et qui débouche sur 60 millions de trous du cul? La bonne réponse au 63-22, ce n'est pas une frontière non plus. Bon allez, parlons maintenant de nos amis. Vous connaissez nos amis? Oh, nos meilleurs amis là. Nos meilleurs amis, hein? Nos amis Yepa. Eh oui, nos amis Yepa, bien évidemment, c'est-à-dire les ch'tis à Ibiza, bien sûr. Et ce matin, je vous propose de faire un petit cours de français avec Christopher. Alors, présentation de Christopher. Christopher des Ch'tis à Ibiza. Je m'appelle Christopher, j'ai 24 ans, mon surnom c'est Butch et je viens de Tourcoing. Voilà, Tourcoing, ah oui, coin, c'est celui c'était des lui. Voilà, idées de van, oui. Tout à fait. Et on va commencer avec un petit peu de vocabulaire. Hein. Alors, quand tu te foules le pied, Julie, on peut aussi dire que tu as une. Une entorse. Une entorse, oui, effectivement, mais pas forcément. J'ai peur qu'il y en a une qui se coque le pied parce qu'après c'est fatal. Hein. T'imagines, t'attrapes une entorse ou quoi ici? Eh oui. Et donc c'est une entorche hein, quand tu te croques le pied. Hein, c'est un peu lampe torche. Hein. Oui c'est ça, c'est une entorche, exactement. Oui. Bon alors maintenant une expression. Alors quand tu as mis les choses au clair avec quelqu'un, on peut dire que tu as mis les points sur. Les i. Sur les i. Eh ben oui, bien évidemment, mais pas forcément chez lui. On a mis les points sur la ligne et puis voilà. Voilà, et oui, bah oui, bah non, mais non, mais c'est vrai, on met les points sur la ligne, c'est tellement plus pratique. C'est plus hein. Bah oui, évidemment. Bon, les plus faciles maintenant, on cherche un adjectif pour dire que c'est vraiment grandiose. Alors, on peut dire que c'était un synonyme d'extraordinaire. Oui, merveilleux. Ou par exemple, exactement, hein, bah en l'occurrence, c'est pas ça. Hein. Donc, Christopher est là, heureusement, pour vous apprendre le bon français, parce que comme vous pouvez le remarquer, hein, Julie a un peu de mal. Allez, Christopher, aide là. C'était expressionnant, c'était extraordinaire. Ah, extraordinaire comme réussi. Hein. Ouais, mais ouais. Donc, c'était expressionnant. Oui. J'imagine qu'il a pensé à impressionnant, mais bon, malheureusement, c'est raté. Il hein. Fait des petits mélanges de mots, il invente. Moi, je suis souvent expressionné. Mais oui, mais c'était facile pourtant. Hein. Bon, allez, et pour finir, un mariage, c'est une. Une union. Ouais. Union entre deux personnes, une belle chose. Bon, bah, je crois que Christopher n'est pas tout à fait d'accord. Hein. C'est. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est le mori. Ouais, genre, ouais. À faire un genre de mariage ou. Séparation. Célébration. Il coupe mon cou, ah, lui. Ah, une hein. Célébration. Une célébration, une séparation, une célébration. C'est ouais, comme les hémorroïdes. Il y avait le premier, la cérémonie, c'était pas mal non plus. La cérémonie aussi. Mais lui, c'est pas possible de le faire exprès. Il est payé par la prod pour être con. Non, je crois qu'il est naturellement con. Ah, il est naturellement con. Mais c'est bien, c'est rare des gens comme ça. Hein. Oui, non, mais oui. Ça doit valoir de l'argent. Heureusement que c'est rare. Ah, oui, mais ça doit valoir son pesant de cacahuètes, je pense. Enfin, ouais. Ah, bah, bon. Là, il détient des records, hein, je pense. Ah, oui, je pense aussi. 7h27 sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Dans un instant, je vous rappelle la petite devinette qui colle. Mais avant cela, nous allons faire un petit tour du côté de l'info. Pour être précis, c'est dans 2 minutes. Et il y aura aussi Jason Derulo avec It Girl sur Fun Radio. Et j'aurai des places à vous filer aussi pour la Smart Cup qui aura lieu ce week-end. Plus d'infos dans quelques secondes sur Fun Radio. Écoutez bien. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Et ouais, des places pour la Smart Cup à gagner. Donc maintenant, 63-22, vous débutez le message par Smart, tout simplement, avec vos coordonnées complètes. Bonne chance tout le monde, 7h30 sur Fun Radio. C'est l'info avec Julie. Salut à tous, l'État belge reprend 100% de Dexia Belgique pour un montant de 4 milliards d'euros. L'offre de rachat du gouvernement belge a donc été approuvée par le conseil d'administration de Dexia cette nuit, au terme de 12 heures de réunion. L'État belge sera le seul actionnaire. Dans un second temps, les régions disposeraient de la possibilité possibilité de monter dans le capital de la banque. Mais la Belgique peut-elle se permettre une telle dépense? Pour le ministre des Finances, Didier Reynders, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Selon lui, c'est 1% de notre produit intérieur brut. Donc nous augmenterons notre dette d'un petit point. L'autorité des services et marchés financiers n'a pas encore décidé d'une reprise de la cotation du titre d'Exia aujourd'hui. Toujours au chapitre économique, le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel ont promis une réponse à la crise de la dette dans la zone euro avant fin octobre, soulignant leur unité notamment sur le soutien aux banques. Quelques 1000 Français résidant en Belgique ont participé dimanche à la primaire socialiste en France, l'élection qui désigne le candidat du PS à la présidentielle de 2012, et c'est François Hollande qui arrive en tête avec 39% des voix, suivi de près par Martine Aubry avec 31%. Un second tour dimanche prochain pour les départager est donc nécessaire. La surprise, c'est Arnaud Montebourg qui arrive 3e avec 17% des suffrages. Et puis la défaite pour Ségolène Royal qui arrive 4e avec seulement 7%. Prison d'Andenne, un des évadés est toujours en cavale. 4 détenus de la prison étaient parvenus à s'évader donc hier en fin de matinée. Pour sortir de l'enceinte, les prisonniers ont pris 2 gardiennes en otage en utilisant des lames de rasoir et des couteaux en guise d'armes. 3 détenus ont été repris hier et aujourd'hui le 4e est toujours en cavale. Week-end meurtrier sur nos routes. Au moins 8 personnes sont décédées dans des accidents de la route. Hier matin, un homme de 24 ans est décédé à Arcelard. À Neuchâteau, 2 jeunes d'une vingtaine d'années sont morts sur le coup après que le véhicule dans lequel ils circulaient a achevé sa course contre un arbre. Plusieurs personnes ont par ailleurs été grièvement blessées. Sport football, match décisif demain pour nos Diables Rouges. Ils affrontent l'Allemagne pour accéder au barrage de l'Euro 2012. Et Eden Hazard, touché à la cheville vendredi contre le Kazakhstan, reste incertain pour ce match. Tennis, c'est l'Italien Andrea Seppi, 51e mondial, qui a remporté l'Etias Trophy à Mons. Il a battu le Français Julien Beneteau. Et puis en Formule 1, Sébastien Vettel est champion du monde à l'issue du Grand Prix du Japon disputé à Suzuka. Et à 7h32 sur Fun Radio, passons la météo maintenant. Alors qu'il fait quand même relativement bon un peu partout en Belgique. Alors, hein. Il fait bon, donc il fait assez doux, mais quand même pas mal de nuages. Hein. Donc matinée assez grise avec un peu de crachin, ça va peut-être un petit peu se dégager à partir de l'ouest cet après-midi. Il y a quand même un vent soutenu et température donc qui gagne quelques degrés, de 15 à 20 degrés aujourd'hui. Demain, les nuages reviennent en force accompagnés de leur petite copine, la pluie. Eh ben bien sûr, quelle bonne nouvelle. 7h33 sur Fun Radio, c'est l'info en plus dans un instant. Fun Radio. Fun Radio. Et l'info en plus, c'est avec Julie, même si j'en ai une petite aussi, c'est avec la mémé anglaise là qui une course poursuite, enfin bref, je vous expliquerai dans un instant. À 15 km/h. Ouais, c'est ça, bah non, je vais le dire, mais du coup, tout va lancer. Donc oui, c'est une grand-mère en fait qui était sur un rond-point, elle a pris le rond-point à contresens, et puis après elle a pris une double voie à contresens aussi. Et normal. Donc, mais elle roulait genre à 30 km/h maxi, hein, et donc du coup, il y a des flics qui ont commencé à la courser, il y a même un flic qui s'est dit, bon, je vais y aller à pied, donc en courant, il a réussi à arriver jusqu'à la voiture de la grand-mère, et en fait, il l'a attrapé par l'épaule, et la grand-mère a dit, mais non, je ne comprends pas pourquoi je veux m'arrêter, je ne vois pas le problème, je rentre chez moi. Et elle continuait à 15 km/h sur la route. Donc voilà, plutôt original comme course-poursuite chez les British. C'était quoi ton info en plus, toi, Moi, c'était July. Plutôt sur les rails. C'est-à-dire que, bon, là, on sait, chez nous, la SNCB tente de faire des économies, doivent trouver 43 millions d'euros bon, pour boucler, pour en tout cas en diminuer leurs dettes. Ouais. Eh bien, les chemins de fer néerlandais, eux aussi, veulent faire des économies. Ils ont trouvé le système du sac à pipi. Oui, le sac à pipi, c'est économique. Le fameux sac à pipi. Alors, le pour fameux, eux, ouais. Ne pas installer de WC dans les trains qui font des liaisons locales courtes, eh bien, ça peut leur faire économiser de l'argent. Et donc, bien ils sûr. Proposent le sac à pipi. Mais oui. Pour... en cas d'urgence, donc quand le train c'est une bonne idée. Est arrêté et que les passagers ne peuvent pas être évacués. Et bien donc ce sachet est en forme d'entonnoir et il contient de la poudre absorbante. Donc après l'utilisation, le sac est fermé et jeté à bien la sûr. Poubelle. Très bien, c'est, encore. C'est tellement classe, tellement glamour. À choisir, je préfère avoir un sac à pipi qu'une augmentation des tarifs des tickets pour faire des économies. C'est vrai, c'est donc, vrai. Bravo. Les chemins de pierre néerlandais. Tout à fait. Oui. Donc, 7h35 sur Fun Radio. Oui, aux Pays-Bas, ouais. 7h35 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Je vous rappelle la petite devinette qui colle encore une fois. Qu'est-ce qui est très long, très dur et qui débouche sur 60 millions de trous du cul? On proposait le mur de Berlin. Non, pas du tout. Le canal de Suez, non plus. Ce n'est pas la bonne réponse. Le gouvernement belge, c'est Laurent. Non, c'est pas la bonne réponse non plus, là. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, ça a été fait entre deux pays. Il y a plus de 20 piges. Il y a le train qui passe au milieu. Il y a la voiture aussi. On peut pouvez faire pareil. Hein. Si vous avez la bonne réponse, 63-22. Un pays qui paye en euros et un pays qui fait partie de l'euro, mais qui ne paye pas en euros. Voilà, pour le dernier indice, après je ne peux pas vous aider plus. Donc, qu'est-ce qui est très long, très dur et qui débouche sur 60 millions de trous du cul? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, écran plat à gagner, comme chaque matin, plusieurs fois d'ailleurs par émission, trois fois par heure pour être précis. 7h35, bon réveil, c'est jeudi, c'est lundi, pardon, aujourd'hui le 10 octobre, je m'emballe moi dans la fenêtre. Oui, non, le week-end ce n'est pas après-demain. C'est vrai. Et Jason Derulo maintenant, c'est Hit Girl. Jason Derulo sur Fun Radio, c'était Hit Girl, il est 7h39, bon réveil si vous vous levez. Et puis bah bon courage hein, si vous êtes déjà sur la route, on parlera de l'infotrafic dans un instant, voir un petit peu ce qui se passe sur les routes. Et si vous êtes peut-être déjà sur la route et que vous êtes témoin d'un problème, un embouteillage, un accident, un radar, n'hésitez pas à nous le signaler pour faire péter la solidarité de Fun Radio chaque matin. Donc vous nous envoyez un petit message au 3044, c'est 50 centimes le message. Ou alors vous nous envoyez tout simplement un mail et c'est gratuit, mikael@funradio.be. Alors attention, je rappelle avant de faire le Mickaël réveille la Belgique avec Sébastien Loeb. Qu'est-ce qui est très long, très dur et qui débouche sur 60 millions de trous du cul? On proposait le tunnel du Gotthard. Non. Qu'est-ce qu'on proposait également encore comme mauvaise réponse? Le sexe de l'homme. Non, pas du tout. Non, parce que le sexe de l'homme peut déboucher sur un trou du cul maximum. Bah c'est ça, voilà. Et alors attention, le tunnel du Saint-Gotthard, c'est Gaïtana non plus. Ce n'est pas la bonne réponse. T'en avais vu un qui était sympa, oui, Toff, je trouve plus. Le tunnel sous la Manchester. Oui, voilà, ça n'est pas la bonne réponse. Mais on y est presque. Mais on y est presque, ouais. Allez, 63-22, écran plat à gagner ou pack Nintendo Wii, c'est à gagner également. Mais avant cela, nous allons prendre maintenant notre ami Sébastien Loeb pour un Mickaël réveille la Belgique. Allô, Loeb. Ouais, allô, Mickaël. Ça va bien? Oui, ça va super. Bah là, je suis du côté Dux. D'accord, ok, très bien. Du côté riche de Bruxelles, donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, mais les riches aussi ont besoin d'être réveillés. Mais oui, bah surtout eux, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Les gens qui dorment chez eux. Mais c'est clair. Bon, alors Loeb, t'es où? T'es dans un hôtel? Pas du tout. Alors, t'es dans une école? T'es dans quoi? Alors, je suis dans une cité. Je suis dans la cité. Je vois donc Château de Walsa. D'accord. Donc, alors, les cités, donc les alors, cités à Uccle. Cité, hein. Ouais, les cités à Uccle, c'est des villas en fait. Hein, donc, elles sont juste les unes à côté des autres. Il y a des super appartements en fait avec des balcons où j'y grogue ma chambre. En fait. C'est ça, ouais. Donc, ouais, c'est impressionnant quand même. Donc, d'accord. On va un petit peu leur montrer que bah, c'est pas parce qu'ils ont du pognon qu'on peut pas les réveiller. Ou alors qu'ils sont endettés parce qu'ils sont pas tous forcément friqués. Hein. Ils ont mais peut-être on sait pas où juste des dettes. Chance, si c'était chez Dexia. C'est vrai. Donc voilà, là je m'arrête et justement je suis devant plat de balcon et je vais crier un petit coup. Très bien, allez c'est parti. Tous les matins, 11h30, Mickaël réveille la Belgique sur Fun Radio. Ah oui, il commence à chanter maintenant, on n'est pas arrivé. Il nous fait une variante là. Ouais, bah il change un peu, tu sais. Et la fréquence. Voilà, là je crois que tout le monde va se réveiller. La fréquence. 104.7 sur Fun Radio. Voilà, bon, c'était Fun Radio sur 104.7, mais enfin bon, on aura compris, on va pas chipoter. Hein. C'est pas grave. Allez. Bon, Loeb, tu peux revenir à la maison avant que des riches te tombent dessus. Ok, à l'aise, Mickaël, je pense que les gens... Ils vont te lancer des lingots d'or par la fenêtre. Les gens qui sortent m'ont fait des signes, donc, mais je pense que c'était des signes amicaux. Donc, oui, bien sûr, avec le grand doigt de la main qui est levé tout seul, c'est ça? Voilà, oui, oui, c'est pas amical, ça, non? Non, oui, si, c'est très amical. Si, il t'invite à prendre un café. Tout à fait. Bon, à tout de suite, là. Ah, mais ça va. Allez, à tout de suite, alors. À tout de suite, dans un instant, c'est la ligne anti-relou qui revient sur Fun Radio, comme chaque matin, à 7h15, 8h15 et 9h15. Et dans un peu plus de 20 minutes, on remboursera vos factures, donc restez bien là. On va également écouter le son Nero avec Promises. Ça va arriver dans un instant, ainsi que l'infotrafic sur Fun Radio. Il est 7h42. Bon réveil tout le monde, c'est lundi aujourd'hui. Stop. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. 7h47 sur Fun Radio, allez hop là, c'est parti maintenant pour l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes, July? Accident sur le 42 Liège. On annonce que des mauvaises nouvelles, t'es relou là maintenant là. Liège Namur Mons à hauteur de Franc-Ouaret en direction de Mons. C'est la berne centrale qui est obstruée. Et puis accident sur le 40 Bruxelles Liège à Chenet, je sais jamais comment on le prononce. Chenet. Pardon? C'est Chennai, tu... Non, non, à Chennes. À Chennes, d'accord, ok. Oui, à hauteur de Évereux. D'accord. C'est donc en direction de Liège. Deux bandes sont obstruées au kilomètre 2.1. Bon, et si vous êtes témoin d'un problème sur les routes, hein, comme je le disais, 30-44 par SMS et 50 centimes le message, ou alors sur le mail, c'est mikl@funradio.be. L'heure maintenant est venue d'écouter les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et attention... Pourquoi oui. Ça marche plus de nouveau ? Oh là là, ça, c'est un... Ah voilà. Non, je viens de faire un mail également pour qu'on répare ce petit bouton là qui commence à me saouler. À 7h47, donc c'est parti pour les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. On va commencer par le premier. Vous savez que la ligne anti-relou, c'est un système qui fonctionne surtout bien le week-end ou les jours fériés. Et que forcément, dès que vous croisez un relou, il faut retenir ce numéro, le 0473-86-0013. Numéro à donner à tous les relous que vous croisez, puisqu'ils vont croire du coup que c'est votre numéro de téléphone. Vont être chauds comme la braise, vont laisser des numéros, des messages sur le répondeur. Et forcément, bah, ils ne sauront pas que ça tombe chez nous et qu'on les écoute tous les matins sur Fun Radio. Ouais, je te rencontrais hier, tu me donnes chez moi et tout, tu lui laisses ma tête, t'es plus là. Donc voilà, c'est pour savoir quand on pouvait se revoir. Donc voilà, je voulais savoir aussi que t'es où mon chien, donc il est plus là. Allez, t'as. Non, mais ce qui est énorme, c'est que le mec. Attendez, quand vous couchez avec une meuf ou avec un mec, que le matin vous vous réveillez qu'il est plus là, s'il revient pas dans le quart d'heure avec un petit déj, c'est que c'est plié, hein. Ah oui, certainement. Ah ouais. Il y a des chances, ouais. Ah ouais, c'est mort, hein. C'est pas la peine de rappeler en disant oui, mais je comprends pas, t'étais plus là. Bon, bah dis-moi quand est-ce qu'on se revoit. C'est fini, hein, c'est oublié. Ça doit être horrible de se réveiller un matin et de regarder à côté de toi et de dire oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait. Alors ça dépend. Ça ne m'est jamais arrivé et heureusement, parce que je pense que ça doit être très très douloureux. Quoi. Bah, moi, ça m'est jamais arrivé non plus, mais j'imagine, tu tombes sur quelqu'un, effectivement, t'es peut-être un peu bourrasse, donc effectivement, tu couches avec, etc. Tu te réveilles en pleine nuit, tu vois le truc, tu te dis. Comment je vais faire? Tu te rendors quand même et puis le matin est parti. Oh, tu dis, oh génial! Oui, d'accord, oui, c'est balance. En fait, si tu te réveilles nouvelle. Et tu te rends compte de ce que t'as fait et tu regardes le truc ah ouais, ouais, toi ouais. Et t'es là. Oh, ah ouais, c'est très dur. Il vaut mieux toujours aller chez les autres. C'est comme vrai. Ça, moi, c'est toi qui pars. À mon avis, oui, ça, oui, je pense que c'est, effectivement, c'est mieux. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Salut mon ange, j'adore ta voix. En fait, commence mal. J'ai eu ton numéro via toi-même. Via toi-même. Donc j'essaie de jouer déjà depuis un petit temps. Écris-moi un mail pour m'expliquer la situation. Donc si t'es toujours d'accord, si je dois t'appeler, si je dois pas t'appeler. Voilà, qu'on passe un petit moment ensemble si tu veux. Allez, je t'embrasse. Salut. Et oui. Je pense que l'option tu ne dois pas l'appeler est la bonne. Exactement. Allez, il a commencé avec salut mon ange. Salut mon ange, oui, tout à fait. C'est bien ça, d'accord. Donc allez. C'est vraiment un bon relou. Quoi. Dernier message pour ce matin. Quoi? Eh ben là, il a eu peur. Hein. Qu'est-ce que je dis? Mais préparez votre truc avant, les gars. Oui, sinon vous avez l'air bête. Mais ouais, déjà qu'il y a de fortes chances que vous ayez l'air bête. Mais en plus, si vous n'avez rien préparé, c'est encore pire. 7h50 sur Fun Radio. La ligne anti-relou revient bien sûr dans une heure. On va vous rembourser vos factures aussi tout à l'heure. Et attention, qu'est-ce qui est très long, très dur et qui débouche sur 60 millions de trous du cul? On proposait l'Eurostar, c'est François. Non, alors il passe bien dedans, mais c'est pas ça qu'on cherche évidemment. Le mur de Berlin, c'est Dominique de Serein. Ah non, c'est pas le mur de Berlin de 1 parce qu'il n'existe plus. Hein, ça, c'est la première chose. Oui. Et là, ça existe toujours. Hein. Ça a été créé par l'homme, certes, il y a combien, 20, 25 ans, je crois. 20, ouais. 20 piges, un truc comme ouais, ça, ouais. Comme ça, ouais. Ça, voilà, ça relie deux pays qui ne sont techniquement pas reliés ensemble s'il n'y avait pas ça. C'est vrai. Voilà, on ne pourrait pas y aller à pied, par exemple, ou en train, ou en voiture. Mais maintenant, on peut y aller. Maintenant, on peut y aller, effectivement. À pied, par contre, je suis pas certaine. Hein. Bah, tu peux. Enfin, techniquement, c'est possible. Oui. Parce qu'avant, tu devais marcher sur l'eau. C'est quand même vachement plus compliqué que de prendre ce système. Oui, c'est vrai, quand on marchait sur l'eau à l'époque, ah là, ouais, c'est pas facile. Ah ouais, ouais. Bah, 63-22. Il y en a quelqu'un qui avait réussi jusqu'à c'est présent. Vrai. Oui, 63-22, c'est un euro le message. Écran plat à gagner comme chaque matin, toutes les heures sur Fun Radio. Et on écoute le son de Niro maintenant. Niro avec Promises. Ça aussi, ça va vous aider à vous réveiller. Vous allez voir. Si le réveil sonne maintenant, là, eh ben bon courage. Mais heureusement, Niro est là. Fun Radio aussi. 7h51 sur Fun Radio. Niro sur Fun Radio avec Promises, il est 7h54 sur Fun, c'est Mickaël à la radio, on est ensemble jusqu'à 9h30 et ce matin Toff essaye d'obtenir de l'argent de ses informations en fait, c'est ça hein. Ouais c'est ça, enfin c'est-à-dire que j'essaye de devenir informateur pour la police. Voilà, donc tu fais ça parce que t'as vu qu'en France, les informateurs, pouvaient être payés. Les informateurs pouvaient être payés, c'est ça. Non mais c'est clair, attends, en France là il y a plusieurs grands flics et tout qui ont été arrêtés parce que justement ils détournaient les saisies de la police pour les donner aux informateurs. Ah ouais. Aussi bien l'argent que la drogue. D'accord. Et donc du coup j'ai décidé de vendre mes informations. Mais t'as quoi comme info là? Bah je sais pas, t'as de l'argent? Bah non. Bah j'ai rien pour toi. Ah, bah, ça va bien pas, ça va bien se passer, tiens. Bon, bah on appelle dans quelle ville? On appelle à Liège tout à l'heure, là. Ça s'est mal passé. On appelle où là? Nous allons à Bruxelles. À Bruxelles. Au allez, commissariat central. Allez, commissariat central. On va essayer d'avoir, un peu d'argent. Bah ouais, évidemment. Ou un peu de drogue. Non, de l'argent. Je préfère, De l'argent. Oui, ouais. C'est plus facile à refourguer, hein. Bah, puis sinon, puis c'est moins illégal. Ouais, et puis j'ai trop de trucs à rembourser en ce moment. Ah ouais. Bon, allez, c'est parti, on y va. On appelle direction Bruxelles. Allez, hop. Voilà. Dispatching, policier Vélosan. Ouais, allô? Oui, allô? Ouais, allô, bonjour. Voilà, j'appelle, j'ai des informations là. Je voudrais savoir combien c'est pour les vendre. Ah, les prix pour les informations? Ouais. Bah, ça dépend, hein. Si c'est une bonne information, c'est 50 euros à 100 euros, hein. Ah ouais, 50 euros à 100 euros? Ça dépend combien d'auteurs qu'on sait prendre ou bien combien de grammes tu as. Hein. Ah ouais? Ah, c'est bon ça. Comment ça se passe pour pouvoir avoir les 100 euros? Ah ben, d'abord, il faut venir au bureau et se mettre sur une liste. Hein. Ça doit passer officiellement, hein, que vous êtes reconnu comme témoin protégé. Hein. Ah ouais. Bah donc quoi, je viens, je dis voilà, j'ai des informations et puis vous me prenez dans un bureau, donne l'info et vous me donnez les sous. Ah ouais, on vous donne les sous, ouais. Ah ouais, c'est comme ça, c'est tout. C'est tout, ouais. D'accord, bon bah j'arrive, hein, monsieur. Ok, ça va. Bon, à tout de suite. Ouais, tout de suite. Et ben voilà, 100 euros facile. C'est voilà. Dingue, ça. Hop, 100 euros, et hop là. Et ben voilà, 100 euros facile à faire. C'était un bon plan, ça, finalement. Mais écoute, hein. Moi j'aime beaucoup ce. Parce que une information par jour, finalement, ça te gagne bien ta vie. Hein. Bah, c'est ça. Une information par jour, sans compter les week-ends, parce que le week-end c'est relâche. Ah bah, donc ça te fait quand même 20 jours, 20 jours fois 100, ça fait quand même. Eh bah, ouais, c'est bien, 2000 euros. Mais non. Est-ce que c'est exonéré d'impôts? Mais c'est ça la question. C'est la question que j'allais me poser, effectivement. Est-ce que c'est net d'impôts ou pas? Tiens, c'est une bonne question, ça. Écoute, on peut le rappeler pour lui demander. Hein. Bah, on essaiera de le rappeler, oui, pourquoi pas, tiens. Bon, on appellera dans une autre ville aussi tout à l'heure, là, dans moins d'une heure. Restez avec nous sur Fun Radio. Dans un instant, il y aura l'info, évidemment, avec Julie. On remboursera vos factures. Si vous voulez faire pareil que tout à l'heure, c'était Sandrine. Qu'on a appelé, à qui on a remboursé sa facture. 6322 par SMS. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et dans un instant, c'est Mika qu'on écoute. Avec Elle me dit sur Fun Radio. Et on aura la réponse aussi à la devinette qui colle, bien entendu. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour Mickaël, c'est Alizé Poulitschek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Mickaël. À la radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Et à 7h59 sur Fun Radio, nous allons prendre la réponse maintenant à la devinette qui colle. C'est Isa qui est avec nous, 30 ans de Charleroi. Salut Isa. Salut, bonjour. Comment ça va Isa? Super, hein, on commence un lundi matin en gagnant un cadeau, c'est magnifique. Tout tu ça. N'as pas encore gagné, hein. Il faut d'abord répondre à la question. Alors écoute bien la question, je la répète pour ceux qui débarquent. Qu'est-ce qui est très long, très dur et qui débouche sur 60 millions de trous du cul? Le tunnel sous la Manche. Mais le tunnel sous la Manche, c'est une bonne réponse. Bah, bravo, effectivement, tu as gagné maintenant, Isa. Bravo à toi. Merci. Et bah, je t'en prie, écran plat ou pack Nintendo Wii, c'est à toi de choisir, hein. Tu préfères quoi? Oh, je pense que ça va être l'écran plat, pourquoi pas. Ça va être l'écran plat, pourquoi pas. Plaisir. Et ben voilà. Et ben un écran plat, ça a gagné toutes les heures sur Fun Radio entre 6h et 9h30. C'est aussi simple que ça, minimum 3 par matin, ce qui est quand même un bon plan au final. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, restez bien là, puisque la semaine prochaine, ça va être du très très lourd. Oui. Du très très... T'as une idée, Isa, comme ça, quand je te dis du très très lourd? Un voyage peut-être? Non, une enclume. Non. ce ne sera pas un voyage, mais non, ça peut valoir le même prix que le voyage. Ce sera quand même très très léger. C'est ça le but du truc, c'est qu'ils l'ont encore allégé, je pense. C'est vrai, hein. Très lourd, mais très léger, effectivement. C'est une petite devinette. Ça. Oui, ce sera la semaine prochaine. Voilà. Bon, en tout cas, Isa, bravo à toi. Tu repars avec l'écran plat. Je te renvoie chez Toff au Standard pour prendre tes coordonnées, d'accord? Super, merci. Continuez comme ça, nous réveiller le matin, c'est génial. Bisous. Écoute, avec plaisir. Gros bisous à toi, Isa. Ciao à toi. Au et l'info, elle arrive dans 10 secondes sur Fun. 8h01 sur Fun Radio, c'est l'info avec Julie. Salut à tous, l'État belge reprend 100% de Dexia Belgique pour un montant de 4 milliards d'euros. L'offre de rachat du gouvernement belge a donc été approuvée par le conseil d'administration de Dexia au terme d'une réunion de 12 heures. L'État belge sera le seul actionnaire. Dans un second temps, les régions disposeraient de la possibilité de monter dans le capital de la banque. Mais la Belgique peut-elle se permettre une telle dépense? Pour le ministre des Finances, Didier Anders, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Selon lui, c'est 1% de notre produit intérieur brut. L'autorité des services et marchés financiers n'a pas encore, par contre, décidé d'une reprise de la cotation du titre Dexia. Toujours au chapitre économique, le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel ont promis une réponse à la crise de la dette dans la zone euro avant fin octobre, soulignant leur unité, notamment sur le soutien aux banques. Quelques 1000 Français résidant en Belgique ont participé dimanche à la primaire socialiste en France, l'élection qui désigne le candidat du PS à la présidentielle de 2012. Et c'est François Hollande qui arrive en tête avec 39% des voix, suivi de près par Martine Aubry avec 31%. Un second tour dimanche prochain pour les départager est donc nécessaire. La surprise, c'est Arnaud Montebourg qui arrive troisième avec 17% des suffrages. Et puis la défaite pour Ségolène Royal qui arrive quatrième avec seulement 7%. Chez nous, après l'accord conclu ce week-end sur la 6e réforme de l'État, les négociateurs vont aujourd'hui relire les textes avant la présentation demain matin, jour de rentrée parlementaire. Il va donc maintenant falloir s'atteler à trouver une coalition. On pourrait être fixé mercredi. Ensuite, il faudra déterminer les priorités socio-économiques et bien sûr plancher sur le budget 2012. L'usage privé des hélicoptères sera mieux réglementé. Le nombre d'hélicoptères immatriculés en Belgique s'est accru de 40% en 5 ans pour atteindre quelques 200 engins en 2010. Les nuisances sonores qui y sont liées ont dès lors évidemment aussi augmenté. Le secrétaire d'État à la mobilité Étienne Choupeau veut réglementer davantage les décollages et atterrissages de ces appareils. Le texte prévoit que ceux qui souhaitent décoller et atterrir dans leur jardin doivent demander un accord préalable et écrit du directorat général de l'aéronautique. Putain, ils me font vraiment chier, hein. Quoi ? Non mais c'est vrai, je peux même plus décoller avec mon hélicoptère tranquille maintenant. Ah ouais, je sais, c'est dur la vie. Oh. Sport football, match décisif demain pour nos Diables Rouges. Ils affrontent l'Allemagne pour accéder au barrage pour l'Euro 2012 et Eden Hazard a touché à la cheville vendredi contre le Kazakhstan. Reste incertain pour ce match. Tennis, c'est l'Italien Andrea Seppi, 51e mondial, qui remporte l'Etias Trophy à Mons. Il a battu le Français Julien Benneteau. Et puis en Formule 1, c'est Sébastien donc Vettel qui est champion du monde à l'issue du Grand Prix du Japon disputé à Suzuka. Il a terminé 3e de cette 15e épreuve du Mondial 2011. 8h04 sur Fun, c'est la météo. Après une matinée grise éventuellement accompagnée d'un petit crachin, eh bien les nuages vont un petit peu se dissiper à partir de l'ouest sous un vent soutenu. Les maxima, ceux, y seront entre 15 et 20 degrés. Demain, les nuages reviennent en force accompagnés de leur fidèle ami, la pluie. Bien sûr, sinon c'était pas drôle. Ah et dans un instant, c'est l'info en plus. On vous rembourse les factures aussi. 6322 code facture. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture et on écoutera Mika aussi avec elle me dit sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Les factures, comme je vous le disais, au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture, comme une facture de 49,99€ pour Battlefield 3, 78,23€ pour la société wallonne des eaux, il y a également 100€ pour la taxe télé. 71,91€ pour l'électricité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? 120€ pour un PV pour un excès de vitesse. Bah, fallait rouler moins vite. 96€ pour les charges. 79€ pour un cartable. C'est Sébastien. Et peut-être votre facture qui va se glisser là-dedans. 63,22€ par SMS. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et nous allons parler maintenant de l'info en plus. Quelle est-elle, Julie? Eh bien, c'est une artiste new-yorkaise qui a eu une drôle d'idée. Enceinte, elle va bientôt accoucher. Eh bien, elle a décidé qu'elle allait accoucher sur scène devant les spectateurs. Mais quelle bonne idée! Elle a annoncé que c'était une performance artistique. Tout c'est appelé la naissance du bébé X et sa performance veut se concentrer sur la beauté de la nature. Mais elle a raison! Et donc elle s'appelle Marnie. Et bien Marnie sera entourée de sa sage-femme et de son mari devant donc un parterre de spectateurs prêts à assister donc à l'accouchement et à observer chacun des petits détails parce que je vous préviens tout de suite, un accouchement, ce n'est pas beau à voir. Oui, c'est en général assez dégueulasse. Hein. Donc si vous avez autre chose à faire que filer à New York pour aller voir l'artiste, mieux vaut éviter. Ouais, disons que c'est pas comme dans les films, tu vois, où le bébé il sort tout propre, tout net, tout clean. Ah, non, il est dégueulasse. Il y a des choses bien, bien crades. Alors que ça reste beau parce que c'est la naissance d'une vie. Hein. Mais oui, quand même, les détails sont pas super ragoûtants. Bon, ça nous fera un petit Bloody Marnie. Oui, merci, ta femme. Merci, je vous en prie. Ouais, je t'en prie, écoute. Merci. Si, surtout tu peux encore nous aider la prochaine fois, n'hésite pas surtout. Hein. Voilà, bon allez, 63-22, on revient dans un instant avec les factures et avec l'info aussi, ce sera tout à l'heure à 8h30. En attendant, on va s'écouter le son de Mika maintenant sur Fun Radio à 8h07. C'est Elle me dit. Mika sur Fun Radio, c'était Danse et on va payer les factures maintenant, c'est parti. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Mais oui, 8h10, c'est 7h10, 8h10 et 9h10, on rembourse vos factures. Vous vous êtes inscrit au 63-22 et vous avez bien raison d'ailleurs. Si vous voulez qu'on vous rembourse, on a appelé chez une Sandrine tout à l'heure à Uccle à Bruxelles. On lui a remboursé sa facture cash, ça y est, c'est plié. Et depuis jeudi, je sais pas ce qui se passe, mais on ne fait que rembourser des factures, ça marche à tous les appels. C'est fort. Et maintenant, ils ont compris, ils restent près de leur GSM quand on les appelle. Il était temps de s'en rendre compte. On rembourse combien la TOF? 59,99€. Allez, c'est parti, on appelle. Si il ou elle décroche et qu'elle répond bien à la question que je lui pose, question facile, c'est gagné. Alors. 102€ pour le gaz. Oui. Pas donné quand même. Hein. 75€ pour l'assurance incendie. Ah non, il faut décrocher, je veux pas un échec maintenant. Ah bah ça va être un échec. Hein. Facture ostéopathe, moi on a pas mis le montant. Allô? Allô? Bah, c'est qui? Je le savais. Je savais que j'allais me faire mal. Ah, c'est toi? Ouais, non, je savais pas. Vous avez eu? Non, je crois pas, non. Eh, oh, allô? C'est qui? Ah, c'est toi! Mais on faisait ça en 95, hein, ce genre de messagerie vocale. Je ça t'ai ne eu. Se fait plus. Hein, tu as perdu 50 boules. Hein, oui, c'est, là, ce que, c'est dommage. 60, pardon. Là, nous, on vient de. Ah oui, 59,99. Bon, c'est Mickaël, t'étais sur Fun Radio, on t'appelait pour te rembourser ta facture. Et malheureusement, tu n'as pas décroché. Donc, malheureusement, eh bien, on ne te remboursera pas ta facture. Et en plus, je suis très déçu car depuis jeudi, on a fait que rembourser tout le monde. Là, ça a décroché à tous les coups. Et là, non. Bon, bah tant pis. Hein. Eh ben, on remet le couvert à 9h10. Grâce à toi, on ne sélectionne que ceux qui s'inscrivent entre 8h10 et 9h10. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas. 63,22 par SMS, c'est 1€ le message. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et à 9h10, peut-être que c'est chez vous qu'on appelle. En tout cas, merci à toi qui nous a eu. Hein, ah oui. Entre guillemets. Tu nous as bien eu. Ah bah bien eu. Dans un instant, c'est l'horoscope de Doudou et la nouvelle devinette qui colle. Et on aura aussi le son de Likili. Mais oui, ça c'est bon, c'est très bon. Moi je ne m'en lasse pas. Ben non, mais pas encore en tout cas. Likili, I Follow Rivers, ça va arriver dans un instant sur Fun. Il est 8h13, bon réveil. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch, tous les matins j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. C'est Fun Radio, 8h14, bon réveil. On nous signale un accident sur la 8 sortie Hall. J'imagine que la 8 c'est la E19 en fait, en venant de Paris ou en venant de Bruxelles, ça dépend. Si vous allez vers Hall, apparemment il y a un accident, donc faites gaffe. Et dans un instant, c'est l'horoscope et Likili maintenant, I Follow Rivers. Likili sur Fun Radio, c'était I Follow Rivers. Dans un instant, c'est l'horoscope, bien sûr, avec notre ami Doudou, comme chaque matin, aux alentours de 8h15, 8h20. Et avant cela, j'ai la petite devinette qui colle pour vous offrir encore un écran plat. On en a déjà filé deux ce matin. Et on enfilera encore un autre petit avant la fin de l'émission, évidemment. Alors attention, qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir et qui goûte après usage? J'ai bien une idée. Oui, je me doutais bien. Mais ça va pas plaire à Julie. Ah, ça c'est clair. D'ailleurs, à mon avis, c'est la mauvaise. Voilà, qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir et qui goûte après usage? On n'a pas eu l'utilité de cet objet, donc pas la semaine dernière, la semaine d'avant, toute la semaine c'était bien. Par contre là, depuis vendredi, on en a vraiment l'utilité énormément, on aura encore plus l'utilité de cet objet demain. Voilà, 63-22 si vous avez la bonne réponse, qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir et qui goûte après usage? 63-22, 1€ le message et il y a bien sûr l'écran plat à gagner comme chaque matin ou encore les... console oui, les packs oui avec les jeux et les manettes. Et on nous signale aussi l'autoroute A8, c'est la E429 qui fait halte tournée et pas la U19. Oui, Roger, là, tu m'as dit en même temps qu'il y avait un problème à Halle. Oui. Ah, je ne pouvais pas. Hein, la 8, c'est la E419. La E429. Tu m'aurais dit E429, j'aurais pas eu de problème. Donc voilà, Coco. On je dit suis que dans des le... bêtises ce matin. On s'excuse, c'est lundi. Je suis dans le centre de Halle et ça bloque grave par rapport aux autres jours. Voilà. Bon, bah, écoute, très bien. Ah, c'est James, chauffeur de chez Colruyt. Très bien. Bah, bon courage, James. Allez, c'est parti maintenant avec l'horoscope. On a déjà assez parlé là. Fun Radio. Laissons la place à notre ami Doudou, bien sûr, qui est là, qui est en pleine forme. forme, n'est-ce pas, Doudou? Ah, bah oui, je suis toujours en pleine forme, moi. Hein. Bah oui, le contraire nous aurait étonné, bien évidemment. Bah oui. Bon, allez, on va commencer. Tiens, vous regardez Koh-Lanta, Doudou, une petite question comme ça? Ah non, pas du tout, moi je regarde pas les émissions culinaires. Hein. Ah non, mais c'est pas une émission culinaire. Hein. Ah, vous êtes sûr? Parce que moi j'ai l'impression qu'ils passent le temps à manger dans cette émission. Non, Koh-Lanta, Doudou, c'est pas Masterchef. Hein. Oui, c'est ça, Koh-Lanta. Un jour, il mange une araignée, le lendemain, il mange un verre, puis il mange une larve. Oui, puis bah, on n'a pas forcément la même définition de la cuisine, Doudou. Hein. Bon, on va faire l'horoscope. Hein. Ah, rien d'y penser, je suis pas bien. Bon, allez, les béliers. Alors, ne craignez pas de faire des erreurs. Un ami vous aidera à prendre des décisions car il a un regard clair sur la situation. Les taureaux. Le succès éveille toujours la tentation des envieux. Les gémeaux. Soyez prudents au volant et ne relevez pas de challenge sportif. Très bien, bah oui, bah si vous n'êtes pas sportif, tant pis. Hein. Enfin, tant mieux plutôt, les cancers. Votre ton ironique ne vous fait pas que des amis. Les lions. Et essayez d'oublier le stress quotidien. Les vierges. Poursuivez votre chemin avec détermination. Les balances. Concentrez-vous plus sur les désirs de votre partenaire. Les scorpions. Une erreur pourrait vous valoir la disgrâce de votre chef. Les sagittaires. Vous vous faites du souci pour votre santé. Et c'est exagéré. Mais ça va vous rendre malade si vous continuez. Les capricornes. Les petits revers ne vont pas vous arrêter. Nouveau jeu, nouvelle chance. Les Verseaux. Que ce soit sur le plan professionnel ou financier, tout ce que vous commencez est couronné de succès aujourd'hui. Et pour finir, les poissons. Vous surmontez les difficultés avec endurance et énergie. Très bien. Eh bien, merci Doudou. On vous retrouve dans une heure. Ah oui, d'accord. Avec plaisir. Et dans un instant, c'est la déclaration express sur Fun Radio après le son de Mutton Heads avec Eden Martin. C'est Trust You Again. Trust You Again. Voilà. Son découvert sur Fun, Mutton Heads, à l'instant avec Eden Martin, c'était Trust You Again. Bonne matinée tout le monde, il est 8h25, on fera un tour du côté de l'info dans un instant avec Julie, mais avant cela, il y a bien sûr la déclaration express. La déclaration express, c'est relativement simple, vous avez envie de faire une déclaration d'amour ou de... Oui. De séparation, de rupture, oui, c'est ça, voilà. On a eu une demande de divorce aussi. On a eu une demande de divorce. Exactement, ouais. Et donc, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez faire cette demande d'amour, cette déclaration d'amour, pardon, ou cette demande de divorce, par exemple, n'hésitez pas à vous inscrire au 3044. Vous débutez le message par déclaration, et puis nous, on vous rappelle. Ou alors, vous faites un mail à lobe@funradio.be. Et nous avons Fabien qui est avec nous maintenant. Salut Fab. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, congé, donc ça va. Ah, t'es en congé, ben ça va, t'es à la cool, hein. Ah ouais, tranquille. Ah, ça va, pépère quoi. Et tu fais quoi dans la vie en temps normal? Je suis peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment, d'accord, ok. Alors attention, si tu peux venir à Fun, il y a du boulot. Hein. Si tu veux venir faire la peinture, n'hésite pas surtout. Hein. Bon, Fabien, t'es dans quelle ville et t'as quel âge? J'ai 24 ans et je viens de Liège. D'accord, ok. Ça s'entendait pas du tout. Non, vraiment pas. Je sais vraiment pas pourquoi vous dites ça. Ah non, vraiment, franchement, j'ai déjà eu des Liégeois qui ont eu l'accent, mais toi vraiment, tu l'as pas du tout. Hein. Refais un peu Liège pour voir. S'il vous plaît. Redis un peu Liège. Liège. Ah ouais, non, t'as pas l'accent. Par contre, moi je l'ai. Tu vois, ouais, par contre, l'obine un petit peu. Moi je l'ai, l'accent. C'est vrai. Bon, alors Fabien, on va appeler ta copine Julie. C'est ta copine ou ta future copine ou ta future ex-copine? C'est une amie, on est très proches et je voudrais bien. Et t'aimerais bien lui mettre une petite cartouche. Ce que je ressens pour elle, c'est pas. C'est pas que de l'amitié, quoi. Voilà. Très bien. Alors, qui te double? Soit tu la gardes comme copine, il y a peu de chance. Soit c'est jackpot et voilà, tu vas sortir avec elle. Soit tu perds tout. Bah, c'est ça. Ah oui. C'est ça, quand t'es avec la meilleure amie, c'est le risque. Hein. Bon, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Bonne chance. Ouais. Voilà, dès qu'elle décroche, tu dis voilà, j'ai un truc à te dire, et puis nous on enchaîne. Je sais pas pourquoi, je le sens mal. Mais non, ça va bien se passer. On sait pas, tout est possible. Et si c'est le répondeur, tant pis, tu laisses un message aussi. Bah, elles sont à l'école, donc on verra bien. Ah, peut-être. Est-ce qu'elle a un prénom de cochonne, Julie, non? Je trouve, hein. Je ne réagirai même pas. Ah. Ben voilà, Doudou, j'ai quelque chose à te dire. Écoute. Quand je me réveille, je pense à toi, baby. Plus encore depuis que t'es plus avec ton mec. Et à ton réveil, si je t'appelle, baby, C'est parce que j'ai plein de trucs à te dire, lady. Ça fait 2 ans que l'on s'est rencontrés. Un peu plus, je crois que c'était au mois de février. C'est Maggie qui nous a fait nous rencontrer. Mon regard s'est posé sur tes petites fesses bombées. Encore bien que tu ne m'as pas PK. Sinon, je crois que je l'aurais eu dans le baba. T'inquiète pas, je rigole, des fois je suis trop con. Je mate tes yeux tout rond, non, je suis pas un cochon. Voilà. Eh oui, voilà cette déclaration express alors. Ce matin. Eh oui, d'ailleurs on recevra Shaggy, c'est jeudi avec Sarah. On ne lui fait pas écouter la fin, Shaggy. Non, il ne faut pas écouter la fin, t'inquiète pas. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'aura touché, Julie. Malheureusement, c'est ton répondeur, tu ne peux pas nous répondre, c'est dommage. Mais en tout cas, Fabien, j'espère que toi, ça t'a. Tu penses que t'auras tes chances avec ça? Bah sûrement. On prend son temps, mais maintenant, bah, j'espère que. Avec ça, elle comprendra que je m'en passe sur les sentiments que j'ai pour elle. Quoi. Voilà, et que t'as envie de lui casser les pattes arrière. Merde, on est encore sur son répondeur. Oh, zut. Voilà, c'était du faux, Julie, bien sûr, ce que je viens de dire. Je raccroche au nez, regarde, hop là, voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, on peut discuter entre hommes maintenant, donc Fabien, donc on a bien compris ce que tu voulais à la fin, y a pas de problème. Bah voilà, c'est gentil beaucoup. C'est gentil de rien. Il n'y a pas de problème. Salut Fabien. Allez, bonne journée à toi Fabien. Et tiens-nous au courant hein, si t'as du neuf. Oui, amen, et voilà. Bon, ça roule. Allez, ciao à toi Fabien, à bientôt. Et puis nous, on revient dans un petit instant avec encore le rappel de la petite devinette qui colle et l'info de Julie, sans oublier le son de Lucenzo et Don Omar avec Danza Kuduro. Lucenzo et Don Omar, c'est juste après la pause. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël à la radio. Fun Radio. 8h31 sur Fun Radio, soyez les bienvenus, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 et l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, l'État belge reprend 100% de Dexia Belgique pour un montant de 4 milliards d'euros. L'offre de rachat du gouvernement belge a bien été approuvée par le conseil d'administration de Dexia au terme de 12 heures de réunion. L'État belge sera le seul actionnaire. Dans un second temps, les régions disposeraient de la possibilité de monter dans le capital de la banque. Mais la Belgique peut-elle se permettre une telle dépense? Pour le ministre des Finances Didier Reynders, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Oh bah non, selon lui, c'est 1% de notre produit intérieur brut. L'autorité des services et marchés financiers n'a pas encore, par contre, décidé d'une reprise de la cotation du titre Dexia. Toujours au chapitre économique, le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel ont promis une réponse à la crise de la dette dans la zone euro avant fin octobre, soulignant leur unité notamment sur le soutien aux banques. Quelques 1000 Français résidant en Belgique ont participé dimanche à la primaire socialiste en France. L'élection qui désigne le candidat du PS à la présidentielle de 2012. Et c'est François Hollande qui arrive en tête avec 39% des voix, suivi de près par Martine Aubry avec 31%. Un second tour dimanche prochain pour les départager est donc nécessaire. La surprise, c'est Arnaud Montebourg qui arrive 3e avec 17% des suffrages et la défaite pour Ségolène Royal qui arrive 4e avec 7%. Chez nous, après l'accord conclu ce week-end sur la 6e réforme de l'État, les négociateurs vont aujourd'hui relire les textes avant la présentation demain matin, jour de rentrée parlementaire. Il va donc maintenant falloir s'atteler à trouver une coalition. On pourrait être fixé mercredi. Ensuite, il faudra déterminer les priorités socio-économiques et bien sûr plancher sur le budget 2012. L'usage privé des hélicoptères sera mieux réglementé. Le nombre d'hélicoptères immatriculés en Belgique s'est accru de 40% en 5 ans. Les nuisances sonores qui y sont liées ont dès lors aussi augmenté. Le secrétaire d'État à la mobilité Étienne Scoop veut réglementer davantage les décollages et atterrissages de ces appareils. Le texte prévoit que ceux qui souhaitent décoller et atterrir dans leur jardin doivent demander un accord préalable. Enfin, sport football, match décisif demain pour nos Diables Rouges. Ils affrontent l'Allemagne pour accéder au barrage pour l'Euro 2012. Et Eden Hazard, touché à la cheville vendredi contre le Kazakhstan, reste incertain pour le match de l'année. Ça pue, et, ça. Hein. Et, ouais, ça pue assez, ouais. Ouais, ça c'est vrai. Et puis Formule 1, Sébastien Vettel est champion du monde à l'issue du Grand Prix du Japon disputé à Suzuka. L'Allemand a terminé 3e de cette 15e épreuve du Mondial 2011. 8h34 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. Eh bien, si vous avez déjà ouvert les yeux, vous avez pu remarquer qu'il fait dégueulasse. Tout gris ce matin avec même un petit crachin. Quelques ombres du pays. Normalement, les nuages devront un petit peu se morceler à partir de l'ouest cet après-midi. Vent soutenu et maxima qui sont quand même très doux, hein, 15 à 20 degrés. Demain, les nuages reviennent en force accompagnés de... leur copine la pluie. Voilà, de la merde. Donc, bah, bon réveil. Alors, si vous avez la chance d'être dans votre lit, surtout ne sortez pas de là. Fun Radio. Fun Radio. Dans un instant, c'est Lucenzo qui arrive avec Don Omar et Danza Kuduro. Et il y a bien sûr l'info en plus. Alors, aux Pays-Bas, les chemins de fer néerlandais, ils veulent faire aussi des économies. C'est un petit peu comme chez nous. Chez nous, on veut augmenter les tarifs des tickets de train. Eh bien, aux Pays-Bas, ils ont une toute autre idée. C'est que, première mesure, c'est de ne pas installer de WC dans les trains qui assurent des petites liaisons courtes. Ouais, mais ils ont raison. Hein. Voilà. Que faire s'ils ne veulent pas installer de toilettes? T'as qu'à les bizarres. Hein. Il faut bien trouver... Non, mais il faut bien trouver quand même une alternative. Eh bien, ils ont trouvé le sac à pipi. Le sac à pipi, comme c'est sympa. Mais oui, le sac à pipi qui mais est... Mais ça s'appelle vraiment comme ça? Oui, bah écoute, oui. Pas tant qu'à faire, autant appeler les choses par leur nom. Non, mais bien sûr, mais... C'est en forme d'entonnoir et il contient de la poudre absorbante. Après l'utilisation, le sac est fermé et il est jeté à la poubelle. Il sera dans la cabine du conducteur et donc, en cas de problème, donc si le train est bloqué ou ce genre de choses, ou si vraiment t'as pas eu le temps d'aller aux toilettes avant de sauter dans ton train, eh bien tu peux aller réclamer auprès du conducteur ton sac à pipi. Cool. Ouais. Et après tu viendras à côté de ta voisine et tu feras pipi. Voilà. Non, bonjour madame. C'est pas très bien s'ils ont prévu une pièce au moins, mais voilà, c'est la nouvelle. On fait pas des économies. Moi, je préfère un sac à pipi qu'une augmentation des tarifs. Ouais, c'est vrai. Enfin, personnellement, c'est en Hollande, donc je m'en fous. Ouais, mais bon, mais elle dit ça maintenant, mais quand il y aura un gros porc bien puant qui pissera juste à côté et qui dira c'est possible que vous me les goûtiez. Oh non, je pense pas que ça arrivera jusque-là. Enfin, j'espère en tout cas. Attends, t'as des faunes bizarres dans les trains. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il y a Naïma qui vient d'envoyer un message qui a un rapport. Tiens, je viens de me pisser dessus, surtout la partie rap de Sébastien Loeb. La fun, vous me filez la pêche de le réveil. Oui. Le sac à pipi, ça aurait pu servir là pour le coup. Il y a monsieur Ryanair qui est très intéressé par le sac à pipi. Ah oui, effectivement, qui lui le vendra 15 euros. Ouais. Voilà, 15 euros, c'est le prix du billet. Donc, si tu veux piser pendant le vol, on sait jamais. 8h36 sur Fun Radio, l'info revient évidemment à 9h avec Julie. On payera vos factures tout à l'heure. Et je vous rappelle aussi, ça fait un petit temps là, je vous rappelle la petite devinette qui colle maintenant avec des écrans plats encore à gagner. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse quand tu as fini de te servir et qui goûte après usage? Si vous avez bien écouté la météo de Julie, vous allez pouvoir facilement trouver cet objet qui vous servira certainement beaucoup aujourd'hui et encore plus demain. Voilà. Oui. 63-22 si vous avez la bonne réponse, c'est 1€ le message. Il y a donc des écrans plats ou des packs Nintendo Wii à gagner avec la console, les jeux et les manettes. Et on va s'écouter le son de Lucenzo maintenant et Don Omar. C'est Danza Kuduro sur Fun, 8h37, bon réveil. Si vous aimez ce style de musique, Lucenzo et Don Omar à l'instant, je vous donne évidemment rendez-vous. C'est avec Manu tous les vendredis soirs entre minuit et 1h du mat. Avec l'Invasion Latina, c'est juste après Keep It Real et juste avant Party Fun qui démarre tout le week-end. Vendredi, samedi et dimanche soir sur Fun Radio. Comme ça, vous êtes au jus. 8h40 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde dans un instant. Dès que j'aurai récupéré Internet, ce qui me paraît un peu compromis pour l'instant, mais bon, on va y croire. Hein. Je vous donnerai quelques infos au niveau du trafic. Ce sera d'ici 5 petites minutes. Non, vous donnerai des infos au niveau du trafic. En fonction des auditeurs qui vont donner leurs informations, c'est moi qui les lis. Là. Au 30, 44, 50 centimes le message pour que je vous balance les messages au niveau de l'infotrafic. Et puis, la ligne anti-relou, on va l'écouter d'ici quelques instants également. Le temps d'écouter aussi le son de David Guetta avec Tayo Cruz, Little Bad Girl. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Bonne matinée. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Il est 8h44 sur Fun Radio. L'infotrafic maintenant à 8h45 en l'occurrence. Qu'est-ce qui se passe sur les routes, Julie? Alors, mis à part les ralentissements pour rejoindre la capitale, donc comme tous les jours, hein, ça j'imagine que vous savez très bien où vous ralentissez. Et bien, je vous signale... Mais évidemment que je le sais, connasse, là, tous les matins c'est la même chose, là, tu nous emmerdes avec ta information pourrie, là. T'as pas du neuf? Eh bien, si, perte de chargement sur le 411 Bruxelles-Namur-Luxembourg à hauteur de l'église, donc c'est en direction du Luxembourg. Le passage est difficile au kilomètre 155, c'est une palette qui obstrue la chaussée, soyez prudents. Oh, bah ça va, rien de grave, donc tout va bien. Ah, bah non, une palette sur la chaussée, On voit ça souvent. Bah, bien sûr. Bon, 8h45 sur Fun Radio, si vous êtes témoin d'autres problèmes sur la route, n'hésitez pas à nous en parler, bien sûr. Ça se passe au 30-44, 50 centimes le message, ou alors sur mikl@funradio.be. Allez, dernier encart maintenant avec la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Allez, ligne anti-relou maintenant. Chaque matin, vous savez qu'on vous sélectionne la crème de la crème des messages qui ont été laissés sur la ligne anti-relou. Et le lundi est toujours meilleur que les autres jours. C'est un grand cru le lundi car il y a beaucoup de relous qui traînent le week-end. Donc beaucoup de gens qui laissent des messages sur cette ligne anti-relou, justement, le 0 473 86 00 13. Le principe est relativement simple. Les filles et les mecs aussi d'ailleurs, vous retenez ce numéro par cœur comme si c'était le vôtre, tout simplement. 0 473 86 00 13. Et dès que vous tombez sur un relou, eh bien vous lui donnez le numéro de téléphone. Du coup, lui, il va croire qu'il a fait l'affaire du siècle et qu'il a réussi, car c'est le plus beau, le plus grand dragueur de tous les temps, à avoir votre numéro de téléphone. Sauf que quand il va appeler, eh ben il va tomber chez nous. Et s'il tombe chez nous, forcément, on va diffuser le message à l'antenne, comme lui par exemple. Salut Monique, ben voilà, c'est moi encore. Coucou, laissez-moi un message, c'est désagréable à mort. Donc, branche son téléphone. Comme je suis sur la mur, call me. Donc, je te répondrai. Ou si je réponds pas au call, laisse-moi un SMS. Ok, ouais. Et je te répondrai récemment. Allez! Ok, tu vois, donc déjà dès le début, tu t'as pas l'impression que le mec il te donne des ordres, quoi. Ah tu non, vois, mais ça le mec qui commence par se désagréable au possible ta messagerie, ça commence bien, vraiment c'est, bien. C'est désagréable au possible, ouais. Tu comprends. Alors écoute, call me, enfin je te call, tu vois. Enfin, si je décroche pas au phone, bah je te recall après, tu vois. Voilà. Donc t'as compris directement à qui t'avais affaire, ok. Bon, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Ouais, je t'ai rencontré hier, tu me donnes chez moi et tout, tu baisses ma tête, t'es plus là. Donc voilà, c'est pour savoir quand on pouvait te revoir. Donc voilà, je voulais descendre au-dessus, mais t'es où mon chien, donc il est plus là. Oui, alors juste un truc, quand effectivement vous allez dormir, vous dormez avec une meuf, un coup d'un soir, etc., et que le lendemain cette personne n'est plus là et qu'elle ne revient pas dans le quart d'heure avec un petit déj, c'est plié, c'est mort, hein, passez à autre chose, hein. Non, je veux dire, il y a moment... un truc grave, elle s'est fait peut-être renverser en sortant de chez toi, tu non, sais pas. Bah c'est... Non, mais ça c'est possible. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, c'est quand même relativement rare. Donc voilà, c'est juste mort. Par contre, c'est pas bien de piquer les chiens des autres. Non, ça c'est mal. Ça c'est très mal. Si c'est un chien de race, il y a moyen de se faire de l'argent. Peut-être, mais c'est mal quand même. Allez, dernier message pour ce matin. Salut mon ange, j'adore ta voix. En fait, j'ai eu ton numéro via toi-même. donc j'essaie de jouer déjà depuis un petit temps. Écris-moi un mail pour m'expliquer la situation. Donc si t'es toujours d'accord, si je dois t'appeler, si je dois pas t'appeler. Voilà, qu'on passe un petit moment ensemble si tu veux. Allez, je t'embrasse. Salut, salut. Allez, mon ange, salut, salut. Déjà, quand tu appelles quelqu'un que tu connais à peine, tu l'appelles pas mon ange. Hein. Oh. Non, mais non, arrêtez avec ça, les petits noms, alors que tu connais à peine la personne, c'est pas possible. C'est ça, mon loulou. C'est pas possible. Je t'aime. Gros bisous, tu m'as manqué depuis hier soir en boîte quand on s'est rencontrés alors qu'on était mort torché. Tu vois, ça fait tout de suite évidemment bizarre. Ouais. 8h48 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Je vous rappelle la petite devinette qui colle. On avait proposé un tuyau d'arrosage. Je ne vois pas le rapport. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir et qui goûte après usage? Alors par rapport à cet énoncé, effectivement, on pourrait penser au tuyau d'arrosage. Sauf que j'ai dit que ça ne vous en a pas du tout servi. Enfin voilà, vous n'avez pas eu besoin pendant il y a deux semaines quand il a fait super beau. Et que là maintenant qu'il fait dégueulasse, par contre ça peut servir. Or, un tuyau d'arrosage, ça aurait plutôt été l'inverse à la limite. La bonne réponse au 6322, il en existe de plein de tailles, hein, des tout grands, des tout petits, des qui tiennent pas bien, des qui tiennent bien, dès qu'il y a un coup de vent, on se retourne n'importe quoi et donc du coup tu n'en as plus. Bref, il y en a plein. 6322, il y a un écran plat à gagner, c'est 1€ le message et on écoute le son de David Guetta maintenant sur Fun Radio avec Little Bad Girl. Bonne matinée, il est 8h49. Oh yeah. Mickaël à la radio, Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun! Radio. Exactement, on est là tous les matins sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous en direct évidemment. Et avec avec Toff aussi, avec Julie qui est là jusqu'à 9h30, évidemment en pleine forme toujours. Toujours en méga forme. Tant mieux, car c'est bientôt la fin de la journée, surtout pour Julie qui va aller dormir après. Quelle chance. Mais quel bol. C'est vrai, hein, j'aimerais bien être à sa place. Oui. Non, mais ça va très bien ce que j'en pense. Elle a d'ailleurs déjà mis ses bottes de sécu pour pouvoir sauter d'ici dans son lit directement. Tout à fait, elle a déjà mis son petit bonnet avec son pompon pour dormir. Eh oui. Elle est au top là, comme ça va être parfait. Hein. Il manque plus que sa chemise de nuit en flanelle et on est bon. Vous avez fini? Attends. Vous avez encore une blague à faire, je ne sais pas, un truc lourd à dire. Mais tu vois, quand tu nous laisses sur le fait accompli, comme ça on a plus d'idée. Bah oui, c'est ça le problème avec vous. Mais on va essayer de réfléchir. Quoi, c'est préparé, écrit, etc. Là, on est fort. Hein. Là, quand on a le petit texte sous les yeux, là oui. Mais quand on parle d'improvisation, il n'y a plus personne. Hein. Julie ? Mickaël ? Voilà, on va pouvoir faire l'émission tranquillement maintenant. Hein. Ça y est, c'est plié ça. Alors, ah oui, petite info sur laquelle j'étais tombé, c'est. Oui, petite question, tiens. Qu'a fait une mère de famille pour pouvoir aller à Disneyland ? Un truc de. Je peux dire la réponse ? Moi je connais la réponse. Ouais, non, bah oui, je me doute bien que tu connais la réponse. Tu es une grande journaliste. Ah bah attends, ça va. Non, mais est-ce que tu veux te faire deviner aux auditeurs ou est-ce qu'on balance info ? Oui, on balance info. Elle a vendu son bébé. Oui, voilà, c'est ça. C'est donc, elle a été arrêtée après avoir vendu son gosse à un couple homosexuel pour pouvoir payer l'entrée à Disneyland de ses autres enfants. Ouais. Donc voilà, 33 ans, elle avait donné naissance à son troisième fils le 31 août. Et donc, elle a décidé de le vendre pour 15 000 $ quand même. Hein, ça fait plus ou moins 10 000-11 000 € à peu près. Et donc voilà, elle avait indiqué qu'avec cet argent, elle emmènerait ses deux grands-fils à Disneyland et que c'était beau, que ce serait beau, que ce serait génial. Donc voilà. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est sympa! Ah ouais, très cool la mère, hein, quand même. Très très cool. Je crois qu'elle l'a vendu 15 000 $, je pense. Mais je veux bien te le dire. Ah pardon, excuse-moi. J'ai dit 15 000 $, plus ou moins 10-11 000 €. Tu n'écoutes rien de ce que j'ai entendu. Alors là, franchement, mais tu m'as tué il y a 2 minutes, je signale. Ah, hein, donc, c'est ça, ouais, c'est je suis censé être au paradis, là, en train c'est de voler ça, avec les c'est autres. C'est ça, anges. C'est ça. Bon, allez, comme Toff tout à l'heure a essayé d'appeler. Alors, on a essayé d'appeler à Liège, ça s'est mal passé. On a essayé d'appeler à Bruxelles, où ça s'est plutôt bien passé. Hein. Mais 100 €, j'ai rajouté 100 €. Toff a réussi à avoir 100 € pour vendre des informations capitales. Oui, de très bonnes informations que j'ai à leur donner. Non, Non, parce qu'en fait, il a vu qu'en France, apparemment, certains policiers pouvaient payer très cher leurs informateurs. Du coup, il fait pareil. Tellement cher que maintenant, ils sont en prison, hein, d'ailleurs, ces flics-là. C'est vrai. Mais bon, je me dis que c'est peut-être un bon filon à exploiter en Belgique aussi. Bah, hein. Mais t'as bien raison. Non, mais t'as raison, bien sûr. Bon, allez, on appelle maintenant. On a appelé à Liège tout à l'heure. On a appelé à Bruxelles aussi, encore une fois, tout à l'heure. Pareil. Et là, on va appeler à Tournai. Allons à Tournai. Allez, c'est parti. On appelle direction Tournai maintenant. On va voir s'ils sont. Police fédérale de Tournai, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, voilà, dites, j'ai appris que c'était possible peut-être d'avoir de l'argent pour des informations. Vous êtes à la police fédérale, monsieur. Ici. Oui, oui, mais c'est bien ça. Donc moi j'ai des informations, mais je voudrais savoir combien vous me les achetez. Un instant. Oui. Ah, donc ça risque de marcher quand même, encore une fois, c'est dingue. C'est génial. Si vous êtes dans la dèche, contactez la police. Elle va se faire de la tuile. C'est terrible. Non, attends, parce qu'elle va nous envoyer où là? Bah, chez le trésorier. Ouais, bah attends, c'est pas sûr. Hein. Tu vas peut-être tomber chez n'importe où, chez personne en fait. Ça va raccrocher, tu vas voir. Ça ne décroche pas la police. Bah ouais. Bah ouais, mon argent. Ils sont buzzy là. Moi je veux mes sous maintenant. On va pas attendre non plus 10 minutes, hein, les gars. Bah, une seconde. Non, voilà, là, il y a quand même de l'argent en jeu, là. Oui, enfin. Bah, 100 euros, c'est 100 euros. Hein. À un moment donné, là, ça sonne depuis quand même pas mal de temps, là. Je sais, parce qu'on a une information à vendre, là, à propos d'une meuf qui s'appelle Julie, là. Qui est dans du trafic. Ah, oui, du trafic, du très, très gros trafic. Si on peut balancer Julie et gagner 100 euros. Commissaire Portemann. Oui, bonjour, monsieur. Allô ? Bonjour. Oui, bonjour, voilà, commissaire. Oui, voilà. J'ai appris qu'il était possible de vendre des informations à la police. Alors, je voulais savoir combien vous les achetiez. Qu'est-ce que vous racontez, là ? Bah, écoutez, je me suis laissé dire que c'était possible, si on avait des informations intéressantes pour la police, que la police nous les achète. Des informations de quoi, monsieur ? Alors, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez comme information ? C'est un coup de feu qui s'apparente à bon sens, à une plaisanterie. Ah, pas du tout, monsieur. Vous savez, moi, je peux vous faire l'information au gros, demi-gros ou au détail, ça dépend. C'est comme vous voulez. Bon, je vous laisse, monsieur. Bah, attendez, mes informations, monsieur. Oui. Bah oui, bah attendez, combien vous me les achetez? Vous faites un package? Pardon? Non, monsieur, j'ai d'autres chats à prêter pour l'instant. Ah bon, mais je suis à la SPA, je suis pas à la police? Comment? Je suis à la SPA, je suis pas à la police? Bon. Nous étions donc en direct à la police de Tournai, hein, qui reçoit bien. Bon, allez, va te faire foutre, il m'a fait chier celui-là. Il est con alors, il va faire foutre. Il m'a emmerdé assez comme ça maintenant. Ah, c'est fini. Bon, ben voilà, très bien. Sympa la police à Tournai. Des gens très sympathiques. Très bon esprit la police à Tournai, c'est cool. Donc, échec alors. J'étais prêt à le fournir en information, moi. Surtout sur Julie, là, une grosse terroriste là. Quel dommage. De toute façon, tout le monde sait que le trafic de drogue dans la capitale. C'est Julie la baronne, évidemment, vous le savez maintenant. Hein. Bon, allez, Bad Meets Civil, on va l'écouter avec Bruno Mars dans un instant, ce sera Lighters. Il y aura l'info de Julie aussi, la baronne. Et on vous remboursera vos factures dans un instant, dans moins de 10 minutes. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour Mickaël, c'est Alizé Poulitschek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. À la radio. 9h du mat sur Fun Radio, il y a un petit message aussi qui vient d'arriver. Bouchon sur la E40 à hauteur de l'échangeur de Herve. C'est à Baptiste, donc voilà, comme ça vous êtes tenu au jus. Et puis un message aussi, ravi de t'avoir rencontré ce week-end au paintball, Mickaël, t'es génial, signé va te faire foutre, c'est Jérôme. Oui, c'est un mec qui était dans l'équipe de Vince, donc je lui ai fait une dédicace en mettant va te faire foutre. Voilà pour la petite information. 9h pile, c'est l'information maintenant avec July la baronne. Salut à tous, l'État belge reprend 100% de Dexia Belgique pour un montant de 4 milliards d'euros. L'offre de rachat du gouvernement belge a donc été approuvé par le conseil d'administration de Dexia cette nuit, au terme de 12 heures de réunion. L'État belge sera le seul actionnaire. Dans un second temps, les régions disposeraient de la possibilité de monter dans le capital de la banque. Mais la Belgique peut-elle se permettre une telle dépense et creuser sa dette? Pour le ministre des Finances, Didier Reynders, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Selon lui, c'est 1% de notre produit intérieur brut. L'autorité des services et marchés financiers n'a par contre pas encore décidé d'une reprise de la cotation du titre Dexia. Toujours au chapitre économique, le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel ont promis une réponse à la crise de la dette dans la zone euro avant fin octobre. Quelques 1000 Français résidant en Belgique ont participé dimanche à la primaire socialiste, l'élection qui désigne le candidat du PS à la présidentielle de 2012 en France. Et c'est François Hollande qui arrive en tête avec 39% des voix, suivi de près par Martine Aubry avec 31%. Un second tour dimanche prochain pour les départager est donc nécessaire. La surprise, c'est Arnaud Montebourg qui arrive troisième avec 17% des suffrages. Et la défaite pour Ségolène Royal qui arrive quatrième avec 7%. Chez nous, après l'accord conclu ce week-end sur la 6e réforme de l'État, les négociateurs vont aujourd'hui relire les textes avant la présentation demain matin, jour de rentrée parlementaire. Il va donc maintenant falloir s'atteler à trouver une coalition. On pourra être fixé mercredi. Ensuite, il faudra déterminer les priorités socio-économiques et bien sûr plancher sur le budget 2012. La direction des prisons veut garder les portes fermées lors des prises d'otages. Les syndicats ne sont pas d'accord. Pour eux, c'est jouer avec la vie des gardiens de prison. Les détenus qui tentent de s'évader des prisons belges y parviennent souvent en prenant en otage du personnel. C'est encore de cette façon qu'une évasion a eu lieu hier à la prison d'Andenne. Un audit est en phase finale et à la fin de cette semaine, le ministre de la Justice aura les résultats, c'est lui qui devra décider. Sport football, match décisif demain pour nos Diables Rouges. Ils affrontent l'Allemagne pour accéder au barrage pour l'Euro 2012. Et Eden Hazard, touché à la cheville vendredi contre le Kazakhstan, reste incertain. En Formule 1, Sébastien Vettel est champion du monde. À l'issue du Grand Prix du Japon, il a terminé 3e de cette 15e épreuve du Mondial 2011. 9h03 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant, alors tant de merde a priori. Hein. Eh bien, matinée plutôt grise et même avec un petit crachin possible, la couverture nuageuse pourra se morceler sur le littoral, c'est-à-dire qu'il y aura un petit peu d'éclaircie de par là-bas et puis un vent soutenu hein, partout avec entre 15 et 20 degrés, c'est plutôt doux quand même pour les températures. Demain, les nuages reviennent en force avec de la pluie. Très bien, bah super, tiens, bah quelle bonne nouvelle. Génial. Ça fait plaisir de t'annoncer les météos. En parlant de pluie, je vous rappelle aussi qu'il y a la petite devinette qui colle là, à trouver aussi. Hein, 63-22, je vous le rappelle comme ça en speed. Où est-ce qu'elle est? Hop là, où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc, qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir et qui goûte après usage? Voilà, on vient d'en parler avec l'indice de la météo. 63-22, allez-y. Et dans un instant, c'est Bad Meets Civil avec Bruno Mars. Fun Radio. Fun Radio. 9h04 sur Fun Radio. Dans un instant, on vous rembourse vos factures aussi, là au 63-22, en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Par exemple, là, c'est quoi? C'est, où est-ce qu'il est? 103€ pour une facture de GSM, 100€ pour la taxe télé, 49€ pour un épilateur, 95,75€ pour des soins médicaux, 140€ pour la taxe déchets, qu'est-ce qu'il y a aussi? 168€ pour des pneus, 133€ pour Nyon. Donc, si vous voulez vous inscrire, on appelle dans 10 minutes. 63-22, code facture avec le montant et l'objet de cette dernière. Quelle est l'info en plus, Julie? Eh bien, on peut appeler ça de l'art. En tout cas, une artiste new-yorkaise a eu une petite idée. Ouais. Elle est enceinte de 8 mois et elle a décidé qu'elle allait accoucher sur scène devant les spectateurs. Ouais. Pour elle, c'est une performance artistique. Elle a appelé ça la naissance du bébé X. Et la performance veut se concentrer sur la beauté de la nature. Mais pourquoi pas ? Mais oui, avec quelle belle nature ! Mais quelle bonne idée surtout ! Marnie, donc le nom de cette artiste new-yorkaise, ouais, sera entourée de sa sage-femme et de son mari. La naissance est prévue pour dans les 5 prochaines semaines et donc... Elle pourra se faire en public. Donc ceux qui sont intéressés, filez à New York, allez assister à l'accouchement de Marnie. Ouais, et puis c'est bien parce que c'est un truc que tu sais que tu peux réserver ta date pour le faire. Quoi. Ah oui, non, mais là vraiment, tu sais, effectivement, ça c'est un petit peu. C'est pratique. Bon, voilà, c'est plié du coup, hein, cette bonne information qui se termine là. Et puis le retour de l'info sera à 10h avec Julie, bien sûr. En attendant, il y a encore, bien sûr, on reparlera des ch'tis. Là, on va également faire l'horoscope avec Doudou et la devinette qui colle. On proposait la lunette de toilette, non pas du tout, mon sexe non plus. Qu'est-ce qu'on proposait aussi, le zizi? Donc c'est pas ça non plus. Un tuyau d'arrosage, on avait déjà dit que ce n'était pas la bonne réponse. Et lunette de toilette non plus. Donc voilà, 63-22 si vous avez la bonne réponse. La réponse, c'est dans un instant. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir et qui goûte après usage? On vous offre votre écran plat comme depuis un bon mois maintenant. Tous les matins, on vous en offre 3, un par heure sur Fun Radio. Et à 9h06, on écoute Bad Meets Evil et Bruno Mars maintenant. C'est Lighters. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Bad Meets Evil sur Fun Radio avec Bruno Mars. C'était Lighters, 9h10. C'est parti maintenant, on rembourse vos factures cash. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, tous les matins, ça a raté d'ailleurs à 8h10. Je suis très déçu car on était sur un sans faute depuis jeudi matin. On essayait de battre un record et malheureusement. Ouais. Bah là, on s'est fait avoir. Ça arrive, ça, hein, ça arrive même au meilleur, tant pis. Bon, alors, au niveau des factures, comment ça va se passer? On va payer, on va rembourser combien, Toff, là maintenant alors? 49€. 49€, vous êtes inscrit au 63-22 pour qu'on vous rembourse. Et c'est une bonne nouvelle puisque nous allons appeler maintenant quelqu'un qui s'est inscrit, comme là par exemple. Hein, qu'est-ce qu'il y avait? Il y en avait plein qui sont arrivés. Tiens, 95€. Pour l'allocation de la robe de mariage. Oula, j'ai oublié de décrocher moi. Alors, si elle répond bien à la question, c'est gagné. Allô, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je ne dérange pas? Non, pas du tout. Très bien. Je voulais savoir qui vous paye les factures le matin? C'est Fun Radio. Mais oui. La radio. Eh ben voilà, c'est gagné. Comment tu t'appelles? Cédric, bienvenue à toi Cédric. Tu sais où tu es forcément, tu as bien répondu, bravo à toi. Et on va te rembourser ta facture. Facture de combien t'as? Nickel. 49€. Ah oui, de 49€. Et c'est pour payer quoi? Un épilateur pour ma femme. Un épilateur, oui, pourquoi les poilus? Oui, il en avait non, pas du tout, mais c'est plus facile que le rasoir. De quoi tu dis? C'est plus facile qu'un rasoir, ça va plus vite. C'est plus facile qu'un rasoir, en même temps c'est quand même un cadeau un peu délicat à offrir. Hein. Tu sais, tu lui offres et qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop poilu, c'est ça? Oui, c'est vrai que hein, c'est assez. Non, pas du tout, mais j'aime bien quand c'est bien. Chérie, tu connais le Yeti? Ben, je voudrais que tu lui ressembles pas trop. Voilà un cadeau, s'il te plaît, tiens. Tu sais, c'est un peu comme si tu offres un... Un quoi, un fer à repasser? Oui, voilà, un fer à repasser, de la oui, c'est ça, la vaisselle encore, non, ça peut servir. Mais on prend une vaisselle, ça suffit. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, et délicat. Bon, enfin, c'est pas grave, après, de toute façon, on va te l'offrir. Tu diras que c'est nous qui l'avons offert au cas où elle gueule, comme ça, c'est tranquille. D'accord? Ça va. Ok, bah, voilà, ok. On fait comme ça. Bon, bah, passe une bonne journée en tout cas, on te rembourse tes 49€ sans problème. Salut, salut! Nickel, salut, allez, salut! Bonne journée à toi. Bah, voilà, bonne chose de fête, tiens. Un petit beau cadeau, dis donc. Bah, très, oui, très écoute, cadeau. Voilà, une facture remboursée, c'est pas mal. Bon, ouais, on va s'écouter dans un instant. Oui, il y aura l'horoscope, on aura la réponse à la devinette qui colle. Et on va s'écouter le son de Sarah et Shaggy maintenant, son que vous aviez découvert au mois de mai, si je ne m'abuse, sur Fun Radio. Sarah et Shaggy avec Champagne, ils seront avec nous jeudi, entre 6h et 9h30. Ça va être beau, je pense. En tout cas, surtout elle. C'est Champagne qu'on écoute maintenant sur Fun. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun. Radio. Et avec l'horoscope. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. L'horoscope de Doudou, bien évidemment, comme chaque matin sur Fun Radio. C'est parti maintenant. Vous avez des questions sur votre journée. Comment va-t-elle se passer sur les astres, évidemment. Doudou est là. On fait l'horoscope? Oui, mais vous voulez pas faire un signe sur deux? Bah non, pourquoi faire? Bah, je sais pas, comme vous êtes toujours en retard, je me disais que comme ça je pourrais me coucher plus vite. Non, non, rien du tout. De toute façon, on n'est pas en retard, on est une pile à l'heure là pour une fois. Tiens, allez, hop, vous avez qu'à lire plus vite surtout. D'accord. Bon, allez, pas question de faire un signe sur deux. On commence par les béliers. D'accord, ne craignez pas les erreurs, un ami va vous aider. Non, il faut que ce soit clair aussi, ah, Doudou, pardon. On comprend rien là. Ah bah oui, mais bon. Bon, alors, les béliers. Bah, ne craignez pas de faire des erreurs, un ami vous aidera à prendre des décisions. Car il a un regard clair sur votre situation. Bon, les taureaux. Le succès éveille toujours l'attention des envieux. Les gémeaux, voilà. Soyez prudent au volant et ne relevez pas de challenge sportif. Les cancers. Votre ton ironique ne vous fait pas que des amis. Les lions. Essayez d'oublier le stress du quotidien. Les vierges. Poursuivez votre chemin avec détermination. Les balances. Concentrez-vous plus sur les désirs de votre partenaire. Les scorpions. Une erreur pourrait vous valoir la disgrâce de votre chef. Les sagittaires. Sagittaire, vous faites du souci pour votre santé. Mais c'est exagéré, vous allez vous rendre malade pour rien. Les capricornes. Capricorne, les petits revers ne vont pas vous arrêter. Nouveau jeu, nouvelle chance. Les verseaux. Que ce soit sur le plan professionnel ou financier, tout ce que vous commencez est couronné de succès aujourd'hui. Et pour finir, les poissons. Vous surmontez les difficultés avec endurance et énergie. Eh ben, c'est bien ça. Très bien. Merci, Doudou. Vous pouvez aller vous coucher maintenant. C'est bon, ah, là. Si, ça y est, y a pas de problème. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle et on parlera des ch'tis. Le temps d'écouter le son de Kate de Luna à 9h18 sur Fun Radio avec Fatman Scoop. C'est Drop It Low. Bonne matinée. C'est lundi aujourd'hui, le 10 octobre. Kate de Luna sur Fun Radio avec Fatman Scoop à l'instant et Drop It Low. Et nous allons maintenant prendre quelqu'un qui a la bonne réponse à la devinette qui colle. Et comment s'appelle cette personne qui a la bonne réponse à la devinette qui colle? Cyril de Hamay. Salut Cyril de Hamay, comment vas-tu? Allô Cyril de Hamay? Cyril est parti. Cyril de Hamay est mort. Bah, ce serait con qu'il soit parti, c'est un Cyril de Hamay. Bah tant pis, c'est pas grave, on va le reprendre après alors. Hein. Cyril de Hamay. On va essayer de le reprendre après, il n'y a pas de souci. En attendant, parlons de nos amis, bien évidemment. De nos amis les ch'tis, bien sûr. Vous les connaissez maintenant, car oui, ce sont les grands, les plus beaux, les plus forts. Et ce matin, je vous propose de faire un petit cours de français avec Christopher. Écoutez, présentation. Je m'appelle Christopher, j'ai 24 ans. Mon surnom, c'est Butch. Et je viens de Tourcoing. Et oui, je viens de Tourcoing. Attention, Van, il a mis des années à préparer. Ah, oui. Ah bah bien sûr, bah ça je confirme. Hein. Bon, allez, on va commencer avec un peu de vocabulaire. Hein. Alors, quand tu te foules le pied, Julie, par exemple, on peut aussi dire que tu as une... Une entorse. Oui, bah on va vérifier. J'ai peur qu'il y en a une qui se coque le pied, parce qu'après, c'est fatal. Hein. T'imagines, t'attrapes une entorse ou quoi, ici? Eh oui, et non, malheureusement, c'était une entorse. Eh oui. Une entorse que tu peux allumer avec des piles. Voilà, c'était une entorse quand tu te croques le pied. Bon, allez, maintenant, une expression. Quand tu as mis les choses au clair avec quelqu'un, on peut dire que tu as mis les points sur les... Bah, les i. Eh oui. On a mis les points sur la ligne, et puis voilà. Ah bah lui il a mis les points sur la ligne, ouais, c'est quand même pas plus pratique. Ouais, le i c'était trop haut pour lui, alors bah oui. Je vais le laisser sur la ligne. C'est ça. Bon, les plus faciles, on cherche maintenant un adjectif pour dire que c'est vraiment grandiose. On peut dire que c'était un synonyme d'extraordinaire. Un merveilleux. Exceptionnel. Non. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un qui est génial, tu dis waouh, wow, putain, franchement tu m'as épaté. Époustouflé. Non. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Bon, Christopher est là, heureusement, lui il est là. Et lui il suit ses missions et lui il a le bon François. Et c'était impressionnant. C'était extraordinaire. C'était impressionnant. Impressionnant. Ah, on cherchait impressionnant, bien sûr. Ah, on cherchait impressionnant. C'est plus fort que tout ça, impressionnant. Non, c'était facile pour moi. Vraiment, t'es épaté quoi. Bon, allez, pour finir, un mariage c'est une. Une union. Une cérémonie. Je crois que Christopher n'est pas tout à fait d'accord. C'est un... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est le mori. Ouais, ouais, genre, ouais. À faire un genre de mariage ou... Séparation. C'est la célébration. Une séparation. Célébration. Voilà, célébration. C'était le cérémonie aussi qui était pas mal. Cérémonie, on aurait presque cru entendre autre chose. Hein, mais j'espère bon, pour lui qu'il était bourré, comme ça il avait une excuse. Franchement, je pense pas. Oh, voilà, Dieu. Donc c'était la célébration. Donc franchement, vous foutiez coup en cours de français. Heureusement que Christopher était là quand même. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Heureusement qu'il est là pour. relever le niveau. Bah, pour reprendre la place de Bernard Pivot, quoi. Mais c'est ça, un Christopher. Je m'appelle Christopher, j'ai 24 ans, mon surnom c'est Butch, et je viens de la Tourcoing. Voilà, heureusement qu'il est là quand même, hein, sans déconner. Sûr. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui, sans déconner. Par contre, faudrait m'expliquer comment de Christopher il est passé à Butch. Oui, je sais pas, c'est son pseudo. Mais écoute, après, j'en sais pas plus, ça. Bon, 9h24 sur Fun Radio. Allez, on prend maintenant vite fait le gagnant là. Est-ce qu'il est là cette fois-ci maintenant? Allô, bonjour Cyril. Oui, Philippe. Ah, c'est Philippe maintenant, on l'a changé? Non, j'ai pas changé. D'accord, non, mais y'a pas de mal. Okay. Alors, c'est toi qui a fait de la merde, y'a pas de problème. Bon, Philippe, tu as la réponse à la devinette qui colle, je la rappelle pour ceux qui débarquent. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir et qui goûte après l'usage? Oui, c'est le parapluie. Eh ben, c'est le parapluie, c'est une bonne réponse. Bravo à toi, tu repars donc avec soit le pack Nintendo Wii, console et écran. Pas du tout. Console, manette et jeu, ou alors avec l'écran plat, qu'est-ce que tu préfères ? L'écran plat. L'écran plat, c'est le troisième qui part ce matin. Hop là, ça y est, c'est plié. Il part directement chez Philippe. Qui est dans quelle ville, Philippe ? Amé, très bien. Entre lui et Liège, l'écran plat part là-bas, il n'y a pas de problème. Salut Philippe, et tu restes au standard, on prend tes coordonnées. Oui, merci. Salut, je t'en prie. Et je vous rappelle qu'il y aura du très, très, très, très, très lourd à partir de la semaine prochaine. Donc, soyez un peu patients, quoi qu'il en soit. En attendant, il y a 3 écrans à vous filer par jour sur Fun Radio entre 6h et 9h30. Et côté son, maintenant, c'est Selena Gomez. Love you like a love song. Le son de Selena Gomez à l'instant avec Love You Like a Love Song sur Fun Radio, 9h29 et bonne matinée maintenant, ça y est, c'est plié, hein. Dans un instant c'est Lucas qui va débarquer comme chaque matin pour le self avec la proc que vous allez pouvoir faire avec lui. Vous choisirez vos disques en vrai, hein, pour le coup. 3044, débutez le message par self ou alors sur son mail et c'est gratuit, c'est lucas@funradio.be. Et par rapport à nos ch'tis là, Christopher qu'on surnomme Butch, il y a quelqu'un qui a trouvé par SMS qui dit oui, il a été touché par le Butch de l'an 2000. Ouais, probablement, hein. Il y a probablement dû y avoir quelque chose de ça. Après, il s'en est parmi. Ouais, ça aussi, c'est un autre problème. Effectivement, bref. Bon, la bonne journée, Julie. La bonne journée, Michael. Sous ce soleil magnifique. Oh là là, je vais aller bronzer un peu, moi, là, mais je oui. pense. Mais oui, mais je pense que c'est une bonne idée, ouais. Hein. Avec mes bottes de cette pluie. Voilà, avec ce beau temps magnifique, exceptionnel. Ah oui, c'est tellement génial. Mais oui. Bon, maman va s'occuper de toi, Toff. Ouais, moi je rentre, là, elle va me faire mon grog et tout. C'est génial, tant mieux. Oh là là, il est malade comme tout. Okay, bonne journée, tiens. Bon, passez une bonne journée, puis nous on se retrouve demain, évidemment, à partir de 6h, avec du très très lourd à partir de la semaine prochaine. Je sais que j'en parle comme ça, là, mais il y a vraiment du très très lourd. Et puis, bien sûr, ne loupez pas Jasmine à partir de 13h, Pure Dance Floor. 17h, la tribu qui est de retour, évidemment, avec Evan et toute sa tribu. Et puis la libre antenne avec Vince, Labbé et Nabil qui seront là de retour en direct à partir de 20h ce soir. Bonne journée tout le monde, ciao à toutes. Et à tous aussi. Allez, oui, j'allais dire que pour les filles, toi, ce matin. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.